إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Tout d'abord, j'aimerais inshallah remercier tous les membres de cette mosquée de Lisieux et à leur tête le frère Adel, barakallahu fik, pour avoir facilité la mise en place des cours, inshallah, tous les dimanches, après Salat al-Asr. Barakallahu fikum. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man la yashkur al-nas, la yashkur Allah. » Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Donc, jazakumullahu khairan, et qu'Allah nous facilite, et qu'il fasse que tout soit fait sincèrement, exclusivement pour lui seul, sans associé. Et on demande à Allah Azza wa Jal que nous bénéficions de cela et qu'il nous guide tous sur la voie droite. Amin. Donc le sujet en fait d'aujourd'hui, comme vous savez tous, donc il y a certains pays qui ont vu la lune déjà. En Malaisie, au Japon, en Australie, en Arabie Saoudite. Que le jeûne serait demain. Et on va en reparler en fait, hein, au fur et à mesure du cours. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, kayf nastaqbil Ramadan? Comment, hein, on va accueillir et comment on va se préparer pour le mois de Ramadan? Barakallahu fikoum. Le premier point qu'on doit se faire, hein, c'est comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait mentionné qu'on se devait de peser nos actions avant qu'elles soient pesées pour nous. Qu'on se devait de se remettre en question. Hein? Où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Allah Azza wa Jal? Le Ramadan dernier, à ce Ramadan-là, sur cette période de temps, comment est notre relation avec Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qu'on a appris de plus, comparé aux années précédentes? Qu'est-ce qu'on a appliqué de plus par rapport aux années précédentes? Hein? Yani, le musulman, c'est quelqu'un qui est raisonnable. C'est quelqu'un qui est responsable. Barakallahu fikoum. Yani, le musulman, il lit le Coran. Et il voit qu'Allah Azza wa Jal nous met en garde. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et craignez le jour où vous reviendrez devant Allah. Tu seras seul. Il n'y aura ni ta famille, ni parents, ni fils, ni enfants, ni femmes. Hein? Chacun pour soi. Donc là, on a nos amis, on a la famille, tout ça. Il y a des amis qui vous contactent. T'as besoin de moi, téléphone-moi même à minuit. Le jour de la résurrection, le père qui demandera à son fils de lui donner une hasana. Le fils ne voudra pas. Son fils, subhanallah, il l'a éduqué. Hein? Il lui a acheté les vêtements, la nourriture, tout. Il se désavoue de lui. Excepté, barakallahu fikum, les pieux. Excepté les pieux. Donc, cette remise en question-là, elle est où? Les pieux prédécesseurs, regardez comment ils faisaient. Pour eux, ce n'était pas possible de concevoir qu'ils passaient une nuit sans avoir écrit leur testament. Ce n'était pas possible de concevoir ça. Hein? Limada. Parce que, maken j'andom yani l'espoir de vivre 80, ils n'avaient pas l'espoir de vivre 80, 90 ans, 70 ans. Je suis encore jeune, Ri. Hein? Et puis oui, quand je serai à la retraite. Subhanallah. C'est pas ça, Ri. Subhanallah. Et on le voit. Regardez, Allah Azza wa Jalla, il nous montre des signes. On le voit. Des gens, ils étaient avec nous, ils priaient avec nous. Quand j'étais en Écosse, il y avait un frère. Je parlais avec un frère et tout. Et puis il me disait, je dois voir, il y a l'autre frère qui m'attend là. Yani, j'ai jamais parlé avec celui qui l'attend. J'ai juste regardé comme ça. Je l'ai vu. Yani, il était grande taille et tout ça. Il avait pris avec nous, il l'attendait. 24 ans. Il faisait un master là-bas. Hein? La semaine d'après, on était à sa genèse, Eri. Yani, ça, c'est pas quelqu'un, il m'a raconté un truc. Non, moi, j'y étais. Et ce frère-là, je l'ai juste vu, juste lorsque je me suis retourné, je l'ai vu, il attendait là sur le banc. La semaine d'après, on était à sa genèse. Arrêt cardiaque pendant qu'il dort. 24 ans, subhanallah. Il avait toute sa famille là-bas au bled, tu vois. C'est du Nigeria, je crois. Allah yarhamou. Donc vous voyez, nous, barakallahu fikum, il doit tout d'abord y avoir une remise en question. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah Azza wa Jal? Si n'importe qui m'arrête dans la rue et puis me dit, c'est quoi le message de l'islam? Est-ce que je suis en mesure de répondre? Hein? Je suis en mesure de répondre, c'est quoi le message de l'islam? Aujourd'hui, les gens, ils savent même plus c'est quoi le message de l'islam. C'est quoi l'islam? Dis-moi, donne-moi. Hein? 2 minutes, tu m'expliques c'est quoi le message. Les gens, ils savent pas. Les gens, ils croient que l'islam, c'est Coca-Cola, c'est interdit. Ce qui se passe ici, ce qui se passe là-bas. Les gens, ils savent plus c'est quoi le message. Subhanallah. C'est pas un problème, ça. Ça, c'est un gros problème. Les mouchriquines et les kuffars parmi Quraysh, hein? Ils savaient le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous commencez Sahih al-Bukhari, hein, dans les débuts de la révélation, le chapitre là. Vous voyez Abu Sofyan, qui de ce temps-là était un politiste. Lorsqu'il est parti voir l'empereur romain, Héraclius, hein, qu'est-ce qu'il lui a dit? Héraclius, il lui a dit, à quoi il vous invite? Il a répondu, il nous invite, hein, à ce qu'on unifie Allah Azza wa Jal dans tous nos actes d'adoration et qu'on se désavoue de la croyance de nos ancêtres. Il y en a eux qui combattaient le prophète, ils savaient son message, c'était quoi. Aujourd'hui, le musulman, tu l'arrêtes, fais un sondage. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Il ne sait pas. C'est un problème, ça, Eri. Hein? C'est pas possible, Eri, que juste à ce stade-là, nous, on ne sait pas. Comment, Eri, tu veux inviter les gens? Tandis que d'autres, ils vont faire la da'wah alors qu'ils ne connaissent pas la ilaha illallah. Ils vont inviter à quoi? Allah al-Musta'an. Donc nous, on se dit, Ramadan, il est passé l'an dernier. On va rentrer là. Inch'Allah, si on vit, Allahumma ballaghna Ramadan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, oh Allah, fasse qu'on atteigne, hein, le mois de Ramadan. On se dit, je me fais une jauge. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appliqué? Comment est ma relation avec Allah Azza wa Jal? Parce que si ta relation avec Allah Azza wa Jal s'améliore, c'est ta relation avec le monde qui t'entoure qui s'améliore. Tu peux tester comme ça. Subhanallah. Hein? Si tu vois que l'environnement dans lequel tu es, le musulman, il doit œuvrer à ce que son environnement, il vit dans un bon environnement. Il ne doit pas semer le mal, le musulman. Il ne doit pas faire fuir les gens de l'islam. Non. Il doit œuvrer à ce que son environnement, où est-ce qu'il est. Ton voisin, qui n'est pas musulman, qui est kafir, il est en tranquillité, sécurité lorsqu'il est avec toi. Tu vois ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que Jibril le recommandait tellement sur le voisin, hein, qu'il pensait que, jusqu'à ce qu'il pensait que le voisin aurait peut-être une part de l'héritage. Subhanallah. Hein. Yani nous, on essaie de juste méditer comme ça. Regarde eux comment ils étaient, les sahaba. Et nous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ils étaient un petit nombre, l'islam partout. Subhanallah. On a un problème là. Comment se fait-il? Juste on essaie de réfléchir comme ça. Comment se fait-il qu'un petit nombre, hein, un petit nombre, il a répandu l'islam partout. 8 siècles en Andalousie, c'est parti, subhanallah. L'Afrique, l'Asie, les Arabes, hein? Et après c'est peut-être moins, comme dire le frère. Mais c'est à peu près environ, et peut-être moins encore, hein, 20% de toute la communauté musulmane. Les Arabes, hein, ils ne représentent que 20%. Vous voyez comment, subhanallah. Hein? Et vous voyez, subhanallah. Donc comment se fait-il que eux, ils ont réussi? Eh bien, il suffit de juste méditer sur ce qu'Allah Azza wa Jal dit. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ. Dans surat al-Hajj, Allah Azza wa Jal dit, Allah donnera la victoire à celui qui supporte la cause d'Allah. Qui sont-ils? الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ. Ceux à qui on leur donne pouvoir sur terre. أَقَامُوا الصَّلَاةِ. Ils font la salat. آتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ils font la salat, donnent la zakat obligatoire. Il y en a combien qui ne la donnent pas? Obligatoire, tu travailles, écris, au bout d'un an, tu dois la sortir. Si tu as acheté un terrain, par exemple, au bled, et que tu ne l'utilises pas, tu le laisses dormir pour que le prix augmente, tu dois sortir la zakat dessus. Subhanallah. Hein? Et la zakat, elle te purifie. Vous voyez le danger de celui qui est musulman, qui ne la sort pas. Il ne renie pas son obligation. Mais il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que soit celui qui ne la donne pas, soit son chemin ira, soit il ira au paradis, soit il ira en enfer. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que soit il ira au paradis, soit il ira en enfer, ça, il est sous la volonté d'Allah. Donc, par cela, ils ont prouvé que il reste musulman, mais il a fait un grand péché. C'est différent avec la salat. Barakallahu fikoum. Donc nous, où est-ce qu'on en est? Subhanallah, depuis le ramadan dernier. En un an, combien de fois on a lu le Coran en entier? Des petites questions quand même, juste on essaie de réfléchir. Yani, le Coran, je l'ai lu combien de fois? Combien de fois j'ai pris le Coran et combien je l'ai lu du début, de l'Fatiha jusqu'à Nes? Combien de fois? On essaie de... Combien de hadiths j'ai lu? Combien? Qu'est-ce que j'ai mémorisé? Qu'est-ce que j'ai appliqué? Qu'est-ce que j'ai appris? Ou est-ce que je suis en train de passer mon temps tout le temps sur la même ligne droite comme ça? C'est pas possible, Khi, subhanallah. Des gens, ils naissent, ils vivent, et ils n'ont pas connu la ilaha illallah. Et c'est juste parce que, voilà, on vient du bled, donc automatiquement on est musulman, donc... Nam? Héritage, voilà. Barakallahu fik, wallah, par héritage. C'est pas par héritage l'islam, subhanallah. Le prophète sallallahu dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, Ya Fatima, i'mili inni la ughni anki min Allah shay'a. Ô Fatima, œuvre, œuvre, car je ne peux être bénéfique en rien auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa fille la plus aimée Fatima, il lui dit, je ne peux être bénéfique en rien auprès d'Allah. Œuvre. Allah. Donc, nous, où est-ce qu'on en est? C'est pas grave, les gens, ils font. Toi, t'en es où? Je m'en suis où, moi? Peut-être que je vais me lever, je vais partir, je vais mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un grand savant parmi les plus prédécesseurs, il était à une genèse d'un homme. Hein? Et il leur a dit à ses compagnons, à votre avis, cet homme-là, là, ça y est, qui est mort, qu'est-ce que vous pensez qu'il souhaiterait le plus faire? Ils ont dit, s'il avait eu la possibilité, il serait levé et prié deux rak'at. Il s'est retourné vers eux, il leur a dit, vous êtes vivants, alors œuvrez. On accepte, on voit ça, mais subhanallah, là c'est dans l'œuvre. Salat al-duha. Salat al-duha. Subhanallah. Récompense énorme. Le lever, du lever du soleil jusqu'à salat al-dhuhr, les ulama ils ont dit. Tu as tout ce temps-là pour prier deux rak'at. Dans la première, tu dis taqra, donc fatiha, surat al-kafirun. Et dans la deuxième, fatiha et qul huwallahu ahad, l'ikhlas. Subhanallah. Yani, nous, où est-ce qu'on en est? Et qu'est-ce qu'on a appliqué de ce qu'on a appris? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a appliqué de ce qu'on a appris? Donc, ton temps sur lequel tu seras questionné, sur lequel on sera tous questionnés, comment on le gère? Comment on le gère? L'euro, il va venir, ça va être une heure et demie, une heure et demie, une heure et demie derrière la télé. Ils sont en train de jouer au football, ils sont en train de gagner des millions, tu vois? Et ils sont en train de te faire perdre ton temps, Eric. Tu vois? Juste le fait que tu fasses du dhikr, tu fais beaucoup d'istighfar. À chaque fois que tu fais l'istighfar, Allah Azza wa Jalla t'augmente ton risque, Eric. Par l'istighfar que tu fais, tu te repens sincèrement, tu essaies de reméditer qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. Comment injuste, comment j'ai pu être injuste? J'ai pu parler sur un tel ou un tel ou un tel. Et on essaie de. Parce que parler sur un tel, un tel, un tel, vous voyez, il y a la namima et il y a la riba. Hein. Ça fait partie des péchés majeurs, ça. Thélen, je vais voir le frère, je lui dis. Adel, il a dit ça. Je vais voir Adel, je lui dis, il t'a dit ça, pour essayer de vous mettre en conflit. Et namim, hein. Kabir, ben oui, ça fait partie des péchés majeurs. Riba, ils sont, et le frère il est pas là. Tac, tac, je commence à lui truquer dessus et tout ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on se remette en question, barakallahu fikum. Parce qu'on tombe facilement dans ça. Facilement dans ça. C'est facile, hein. Un tel, tac, tac, tac. On tombe dans ça et on fait un péché majeur. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit entre les salettes. Hein? Ou el jumu'a ila el jumu'a. Allah azza wa jal pardonne les péchés. Ce qu'il y a entre eux, Allah Azza wa Jalla, il pardonne les péchés. Les ulama, ils ont dit quoi? Parce qu'après, comment il a terminé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tant qu'il ne fait pas les péchés majeurs. L'absolution, le fait qu'Allah Azza wa Jalla yaghfir adh-dhunub as-sagha'ir, les petits péchés, le fait qu'Allah Azza wa Jalla, il pardonne les petits péchés, c'est conditionné par le fait qu'on s'écarte des grands péchés. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, d'après Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, alors qu'il l'exhortait, profite. Profite, c'est quoi profite? À accomplir les œuvres pieuses. Profite à accomplir les œuvres pieuses de cinq choses avant cinq choses. De ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta jeunesse dans l'adoration à Allah. Dans les œuvres pieuses, dans la science bénéfique. Profite de cela. Hein? De ta santé avant ta maladie. De ta jeunesse aussi avant ta vieillesse. Il y en a, ils retardent le hajj. Ou ils ont les moyens. Ils vont retarder le hajj ou la umrah. Alors qu'ils ont les moyens. Et après, ils sont vieux, ils n'arrivent même plus. Ils n'ont pas profité de leur jeunesse dans l'adoration. Allah Azza wa Jalla. De ta santé avant ta maladie. Allah Azza wa Jal, regardez, on se regarde, on respire, le sang coule dans nos veines. On pense, on bouge, on fait ça, ça, ça. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Et si vous numérisez tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal vous a donnés, vous n'arriverez pas à les comptabiliser. Regardez toutes ces ni'am qu'Allah Azza wa Jal il vous a donnés. Il nous a tous donnés. Yani, tu es en bonne santé, tu peux te lever, prier, poser ton front sur le sol pour adorer celui qui t'a créé. T'en remettre à lui. Et Allah Azza wa Jal t'élève en degré. Regardez Allah Azza wa Jal, comment il a donné la santé à un individu et regardez comment, hein, il l'a, comment ils l'utilisent. Il y en a, ils vont s'écarter de l'adoration à Allah Azza wa Jal. Ils vont s'écarter des musulmans. Ils vont s'écarter des mosquées. Et il y avait un témoignage. Il s'est retrouvé handicapé, un tétraplégique. Même la tête, il ne peut même pas la bouger. A'oudou billah. Aucun membre, il ne peut les bouger. Et là, il regrette. Il dit, ces gens-là, jamais ils m'ont dit, hein, va prier ou va... Hein. Et maintenant, il souhaiterait seulement poser sa tête sur... Mais ce n'est pas possible. Vous savez, il est sur les fauteuils comme ça, parce que sa tête, même la tête, elle, il ne peut même pas la maintenir tout seul. A'oudou billah. Tu vois ? Si tu fais une œuvre pieuse, barakallahu fik, pendant que tu es en bonne santé, مثلاً, tu jeûnes tous les lundis. مثلاً, un jour, tu es malade. Yani, tu n'as aucune force, tu es malade, tu as une fièvre, subhanallah, voilà, une rhinopharyngite, voilà, tu es cloué sur le lit. Subhanallah, tu n'as pas pu jeûner, mais tu es récompensé. Parce que d'habitude, ta niya, tu suis la sunna. D'accord ? Eh bien, tu jeûnais à chaque fois les lundis pour suivre la sunna. Et tu as eu un empêchement où, par exemple, tu es parti voyager, tu es récompensé au soleil. Comme si que tu le faisais. Il n'y a rien qui est... Subhanallah, regardez. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. De ta jeunesse avant ta vieillesse. De ta santé avant ta maladie. De ta richesse avant ta pauvreté. Allah Azza wa Jal, il t'a donné des biens, barakallahu fik. Dépense dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Aide les nécessiteux. Aide les nécessiteux. Aide ceux qui ont... Hein? Si tu peux aider, مثلاً, yani, tout ce qui peut faire en sorte que tu... Yani, regardez maintenant la mosquée. Les gens ils viennent, ils prient. Hein? Lorsque tu œuvres à aider dans cela, à faire en sorte qu'il y ait un bon environnement pour ceux qui viennent prier, pour ça, subhanallah. Imagine les gens qui viennent. Alors, pensez à ceux qui ont mis en place la mosquée. Regarde les gens qui viennent. Ils font du zikr, ils font les salettes, ils font, hein, ils disent le Qur'an. Regardez, sadaqa jariya. Utilisez l'argent, hein, ta richesse avant ta pauvreté. Paye la zakat. Donne la sadaqa. Tu connais des gens qui sont démunis et tout ça, fais-le en cachette. Yeah. Fais-le en cachette. Aide les gens comme ça. Jusqu'à ce que ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite a donné. Tu vois? De ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation. T'as rien à faire ? Masha'Allah, profites-en pour le ilm, pour le savoir, la science légiférée. Tu vois ? Pas juste que tu sois comme, tu sais pas comment faire. Un frère, il m'avait dit, je savais pas comment prier. Je suis rentré dans une mosquée, j'ai vu les gens, ils priaient comme ça, j'ai prié comme eux. En fait, Sarsen m'a dit, Sallou kamara itumun yusal, les priez comme vous m'avez prié. Vous savez, barakallahu fikum, c'est quoi les conditions d'acceptation des œuvres en islam? Il y en a combien? Il y en a? Combien? Les conditions, là. Shurut qubul amal. Il y en a deux. L'ikhlas ou l'mutaba. Sincérité envers Allah et selon la sunna du prophète Sarsen. Allah Azza wa Jal dit, dernier verset de Sourate Al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ Celui qui désire la rencontre de son Seigneur. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Qu'il fasse une bonne œuvre. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, il a dit quoi? الْعَمَلَ الصَّالِحْ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّهِ C'est ça l'amal al-salih. La bonne œuvre, c'est ce qui est en accord avec la législation d'Allah. C'est ça la bonne œuvre. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah Azza wa Jal il agrée l'islam lequel? Celui qui l'a légiféré. Pas celui que les gens ils inventent. Dans sourate Shura, Allah Azza wa Jal il dit Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses qu'Allah n'a pas autorisées? Non, Allah il agrée ce qu'il a autorisé. Inna din indallah al-islam, celui qui l'a légiféré. D'accord? Donc déjà, al-amal al-salih ma kana muwafiqan li shar'i Allah. Ce qui est en accord avec la législation d'Allah. Avec la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qu'il n'associe rien dans l'adoration à son Seigneur. Rien. Parce que si tu fais quelque chose pour autre qu'Allah, ce n'est pas accepté. Tu perds ton temps. Ce n'est pas accepté. Mais ça va être... Hein, ça va te léser le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal dit... وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils associent quoi que ce soit à Allah, toutes les œuvres seront vaines. Vaines. Yani, invalides. Yani, tu fais quelque chose, tu perds ton temps à faire quelque chose. Qui va pas être, tu, fais, yani, tu passes du temps, plutôt, à faire quelque chose qui ne va pas être accepté. Là, tu perds ton temps. Hein? C'est pour ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Qudsi, qu'Allah azza wa jalla a dit, Anni aghna shuraka'a 'an ash-shirk. Je m'autosuffis. Je n'ai pas besoin d'associer. Man 'amila 'amalan ashraka ma'i ghayri fa ana minhu bari wa huwa lilladhi ashrak. Quiconque fait une œuvre en m'y associant quoi que ce soit, eh bien, je me désavoue. Allah Azza wa Jalla dit, je me désavoue de cette œuvre-là, et ce sera pour celui à qui il l'associe. Et le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jalla dira à ces gens-là, cette œuvre-là que tu as fait pour l'autre, en prétendant que tu l'as fait pour moi, va voir s'il peut te récompenser. Vous voyez le danger ? C'est pour ça que, barakallahu fikum, dans la niya, hein, la niya, elle comporte trois points. Que la niya, que tu l'as fait sincèrement pour Allah. Ikhlas ad-din lillah. Wa imtithal li amrillah. Imtithal li amrillah, ça veut dire que yani, tu le fais parce que tu te soumets à l'ordre d'Allah. Tu le fais sincèrement pour Allah. Tu te soumets à l'ordre d'Allah, tu vois. Et le troisième point, c'est que bien sûr, la niya, c'est pas légiféré de le dire à voix haute. Hein. Ça, c'est interdit, ça. Non, c'est dans ta tête. Donc, que tu le fais sincèrement pour Allah et que tu le fais parce que tu te soumets à Allah. Et le troisième point, c'est quoi l'acte d'adoration que tu fais, par exemple, la prière ou la sadaqa ou tu vois, ou les courses que tu vas faire au magasin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit que la nourriture que tu mets dans la bouche de ta famille, de ta femme, c'est une sadaqa. L'individu qui met la niya, qui fait ça pour la récompense de la sadaqa, hein? وَلِكُلِّ مْرِئٍ مَا نَوَى كَمَا فِي الْحَدِيثِ. Chacun sera rétribué de par son intention. Mais celui qui fait les courses parce qu'il faut faire les courses, parce qu'il n'y a plus de lait, tu vois. Subhanallah, regardez. Là, le musulman, il fait ses courses parce qu'il sait que, subhanallah, c'est une sadaqa, tu es récompensé. Tu vois un frère, il tient un sac, voilà. Hein? Tu fais ta niya, que tu le fais sincère pour Allah. D'accord ? Et tu vas, subhanallah, tu vas l'aider, tu vas dire. C'est une sadaqa. Tu fais ta niya, que tu vas sourire à un frère. Hein ? C'est une sadaqa. L'amr bil ma'ruf, sadaqa. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa nahi al munkar, sadaqa. Ordonner le bien, c'est une sadaqa. Interdire le blâmable, c'est une sadaqa. D'accord ? Barakallahu fik. Donc, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Et de ta vie avant ta mort. Ah oui. Pour pas qu'on soit de ceux, hein? Ya laytani qaddamtu li hayati, a'udhu billah. Si dira le kafir yawm al-qiyam, ya laytani qaddamtu li hayati. Si seulement j'aurais pu. L'imam Ibn Jawzi rahimahullah, il rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait fait l'Isra ou le Mi'raj. Il avait rencontré Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam lui avait dit: Ya Muhammad, ballagh li ummatika salam. Ô Muhammad, transmet le salam, hein, à ta communauté. Wa'alamhum anna al-jannata qi'an. Et informe-leur que le paradis a deux sols. Wa ghirasuha. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Et ses plantations, ses racines, hein, Il est paradis. Et c'est Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. À chaque fois que tu diras ces paroles, ces quatre paroles-là, Ghurisat laka nakhla fil jannah. Un palmier était planté au paradis. À chaque fois que tu dis Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, un palmier était planté pour toi au paradis. Hein? Il finit, Ibn Jawzi, le commentaire de ce hadith, il dit Subhanallah, ma adana min an-nakhl. Subhanallah, combien de palmiers avons-nous ratés? Parce que c'est simple, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Tu es dans ta voiture, tu conduis, au lieu de rester la bouche fermée, tu dis Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Tu fais l'istighfar. Tu dis La ilaha illallah. Tu fais afkar n'ta al-sabah, n'ta al-masa. Subhanallah. Tu vois? Allah al-musta'an. Et on doit aussi se dire, est-ce qu'on est bien entouré? Un an est passé. C'est quoi ma fréquentation? Est-ce que ce sont des gens qui me rappellent Allah ou qui me rappellent les gens? Lisan, lisanen. Il y a deux types de langues. Lisan dhakirun lillah ou lisan dhakirun linnas. Il y a deux types de langues. Une langue qui se rappelle d'Allah Azza wa Jal et une langue qui se rappelle des gens. Subhanallah. Donc, si tu t'assieds avec des gens et ris, qui passent longtemps à se rappeler des gens. Foulen, bi, ali, aka, aka. Hein? Tu vas rentrer, tu vas écouter, et tu prends le péché avec lui, même si tu ne dis rien. Parce que tu es assis à côté de lui. Subhanallah. Tu es assis, juste le fait d'être assis. Tu sais que celui. Il y a une barakallahu fik. Il y a des gens, par exemple, ils boivent de l'alcool, du vin. Sois assis. T'es assis là, t'es assis à côté d'eux. Tu reçois la malédiction d'Allah sur toi. Juste t'es assis. Tu vois? Naam? Naam, ça va? Naam, naam, barakallahu fik. Jalisahu, sharibuhu, yani. Il y a toute une catégorie. Celui qui le vend, celui qui le produit, celui qui le transporte, celui qui s'assoit à côté, tu vois? Celui qui le consomme. Et la la'na, c'est quoi? Hein? C'est huwa tarad min rahmatillah. Ça veut dire que tu es expulsé de la miséricorde d'Allah. Juste tu t'assois. Hein? Donc, la fréquentation, c'est quoi? On en est où dans notre fréquentation? Est-ce que, non, j'aime bien garder mes amis d'enfance et tout, je ne peux pas dissocier, on ne te dit pas de faire clofic. Mais si tu sais, Eric, ce sont des gens qui invitent aux choses mauvaises et à la perversité, tu t'en écartes, Eric. Ces gens-là, ils invitent au feu. Ils vont faire des choses de mal. Ils vont parler mal. Tu vas écouter les gros mots et tout cela. Hein? Allah Azza wa Jal dit « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir » Allah Azza wa Jal dit « Rien ne lui ressemble. Rien n'est comme Allah. Rien ne lui ressemble. Et il est celui qui entend et qui voit. L'audient, l'omniscient. Il entend tout. » C'est-à-dire que même si les gens du temps de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, ils se lèvent tous et ils demandent chacun selon sa langue, chacun son doua. Allah Azza wa Jal, c'est qui a dit quoi? Alors t'imagines, tu lis les versets. Inna Allah kana alaykum raqiba. Il a dit, il faut qu'on médite. Inna Allah kana alaykum raqiba. Il t'observe constamment. Raqiba. Et t'as pas de problème à dire des gros mots. Oh, celui-là, c'est un. Allez, et puis. Et Allah Azza wa Jal. Yani. Ça, c'est la rafla. Ça, c'est la rafla. L'individu, il tombe dans la rafla. C'est quoi la rafla? L'insouciance. Mais ça, c'est un dé. C'est une maladie. Et aussi un doué. Il y a un traitement. Barakallahu fik, une guérison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لِكُلِّنْ دَاءٍ دَوَى أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالِ. Il avait dit, subhanallah, ne questionnent-ils pas lorsqu'ils ne savent pas? Ils ne savent pas, ça c'est la maladie. Le traitement c'est quoi? C'est quoi? السؤال. Tu questionnes les gens de science. Tu ne sais pas, tu questionnes. Regarde, subhanallah. Là, l'insouciance, c'est une maladie. C'est un poison. Subhanallah. Il se passe des choses, sans t'en rendre compte, tu pêches. Parce que tu vas prendre cette position-là, ou bien tu voudras cette fitna-là, ou bien tu vas dire ce truc-là. sans t'oublier qu'Allah Azza wa Jalla t'observe. T'oublies qu'Allah Azza wa Jalla t'a créé pour que tu l'adores. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. C'est clair, hein? C'est pas juste tu vas travailler, tu vois, il faut que tu travailles, tu te maries, tu te... Ça ce sont des choses voilà, des besoins de la vie d'ici-bas, d'accord? Mais Allah Azza wa Jalla nous a pas créé pour ça. Allah nous a créé pour qu'on l'unifie dans l'adoration et qu'on ne lui associe rien et qu'on se désavoue de tout ce qui lui est associé. Parce qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Dans sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jalla dit: "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allah ne pardonne pas, il pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela. D'accord? Donc, l'insouciance, le poison, cette maladie. Le douai, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait informé: celui qui se lève durant la nuit, qui fait qiyam lil. Deux rak'at, juste tu fais deux rak'at, dans lesquels tu récites 10 versets. Tu seras immunisé contre l'insouciance cette journée. Subhanallah. Mais c'est pas donné à tout le monde, écrit. Le lit, il est bien chaud. T'es KO. Hein? Et puis, Allah Moussa'an, tu te lèves, tu fais deux rak'at, écrit. Mais déjà, il y a la barrière, un taqqol, oh là là, il faut que je fasse le wudu. Yeah. Il y en a, ça, là, il fait, ça les bloque juste parce que le wudu, tu vois. Ça les bloque aussi. Ça, ils deviennent paresseux, ils ont plus de force, tu vois. Yeah, subhanallah. Là, tu te lèves, tu fais deux rak'at, sincère pour Allah, Azza wa Jal, tu récites 10 versets, tu es immunisé contre l'insouciance. Bien sûr. Ça se suit d'autres actions et d'autres œuvres. Ça ne veut pas dire tu fais ça et puis ça y est. Tu fais ça et tu fais les autres causes. Tu fais du dhikr. Tu dis dans tes salettes ou dans tes doigts: Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatika. Oh Allah, aide-moi à ce que je me rappelle de toi, que je fasse du dhikr, tu vois, et que je te remercie et que je t'adore comme tu l'as légiféré, comme tu le veux. Parce qu'on n'adore pas Allah Azza wa Jalla comme on veut. On adore Allah Azza wa Jalla comme Allah le veut. Et la quantité qu'Allah Azza wa Jalla l'a décidé. D'accord? Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala: Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhadhtu 'an rasula sabila. Le jour, dans la traduction au sens du verset, le jour où l'injuste se mordra ses mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Il m'a en effet égaré, loin du rappel, loin du Coran, loin de la sunna, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. C'est la tariqa du shaitan. Hein? Le jour de la résurrection, des prédicateurs aux portes de l'enfer qui vont dire aux gens: fais ça, tu peux, je sais pas quoi, c'est pas grave, vas-y. Hein? Eux, ils vont les suivre, parce qu'ils vont suivre leur passion. Le jour de la résurrection, ils diront: oh Allah, donne-leur le double du châtiment parce qu'ils nous ont égarés. Eux, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire: on vous a jamais forcé à nous suivre. On vous a dit, mais vous nous avez suivi. Vous voyez, barakallahu fikum. Vous voyez la fréquentation. C'est pour cela. Yani, et aussi le musulman se doit de connaître maqasid al-sharia. C'est quoi maqasid al-sharia? Les buts de la sharia, les buts de la législation. C'est quoi le but de la prière? C'est quoi le but du jeûne? Parce que là, ta vision, elle va complètement changer. Le ramadan est venu. Le brique, le bourek, le shorba, je ne sais pas quoi, la table remplie. C'est une tradition maintenant, subhanallah. Hein? Les gens, ils ne prient même pas. Subhanallah. Voilà, il ne va jamais à la mosquée. C'est juste, c'est bien parce qu'il y a les mousselselettes, et puis en plus, il y a les briques, et il y a la shorba, et puis il y a tout le reste, et les tables, elles sont remplies, et puis tu vois. Donc, si tu réussis à savoir le but qui doit être atteint, si tu réussis à savoir le but qui doit être atteint, hein, en faisant tel acte d'adoration, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alors, lorsque tu sais c'est quoi le but qui doit être atteint, tu goûteras à la saveur de l'adoration. Là, tu goûteras la saveur de l'adoration. C'est différent. Wahid yji yissalli, quelqu'un il vient, il prie. C'est l'heure du asr, il prie. Parce que, entre guillemets, il est habitué de prier. Tu vois ? Et il a dans sa tête que de toute façon, dans 5 minutes, il a un rendez-vous, tu vois, et qu'après, il doit faire ça, et qu'après, il doit faire ça, et puis il doit voir un tel. Tout ça tourne dans sa tête. Tu vois ? Et il vient dans sa prière, il ne sait même plus s'il a récité la Fatiha. La Fatiha, elle a 11 shedda. Elle a 11 shedda. Il en manque une, la salette n'est pas acceptée. T'imagines ? Il manque une shedda dans la Fatiha, la salette n'est pas acceptée. Parce que ça fait partie des piliers de la prière. Donc l'individu, il ne sait plus ce qu'il a dit. Même s'il prie derrière l'imam, il ne sait même plus on en est à quel raka. Parce que de toute façon, là, il ne fait que suivre. Donc, vous voyez le problème, il est où ? C'est une mouche, là, ça. Alors que si tu sais le but de la prière, le but du jeûne, c'est quoi ? Là, tu sais qu'il y a un but à atteindre. Donc, tu te mets en fait des objectifs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Sed didou wa qarribou ». Hein ? Vise et approche petit à petit. Mais il faut que tu aies un but à atteindre. Je me dis, je dois atteindre ce but-là. Allah azza wa jalla a dit ça, je dois l'atteindre. Inch'Allah. Et je demande à Allah azza wa jalla de m'aider. Et donc, tu vas œuvrer sur cela. Tu vois ? Mais lorsque tu ne connais pas « maqasid al-sharia », les buts de la législation, de la sharia, tu ne pourras pas goûter à la saveur de l'adoration. Et ça, c'est un mois, ikhi, barakallahu fikum, entre salat et siyam. Hein? Par exemple, celui qui est atteint d'une fièvre, hein? Il n'a plus goût pour rien. Tu rapportes des bons fruits, des bonnes pommes, des bons raisins, des bons... Il n'a pas de goût. Il est malade. Il n'a aucun goût. Celui qui ne connaît pas les buts dû à cette ignorance-là, qui cette maladie, elle l'empêche de goûter à la saveur de l'adoration. Et la prière, elle devrait être le facteur le plus important qui permet en fait de réformer l'individu. D'accord ? Le facteur le plus important. Mais qu'est-ce que je dois rajouter, le facteur le plus important ? Après quoi ? Après le tawhid, barakallahu fik. Ah oui, parce que si tu fais une prière sans tawhid, ça ne sert à rien. Tu rentres dans la mosquée, les frères ils sont assis, tu sais, ils te regardent. On ne dit pas que quelqu'un qui prie, qui prend son temps, ça veut dire automatiquement il fait pour que les gens disent. Non, on ne dit pas ça. Le professeur Hassan m'a dit, je n'ai pas été envoyé pour savoir ce qui est dans le cœur des gens. Non. Mais mathalan, un frère il rentre. Mais lui, dans sa niya, c'est quoi ? C'est qu'il sait que les frères, ils sont assis, ils le regardent. Et puis, il souhaiterait que les gens le reconnaissent comme étant « Oh oui, lui, il vient tout le temps. Lui, il prie comme ça. Il fait comme ça. Hein ?» S'il recherche ça, il rit. Alors qu'il fait la prière comme selon la sunna, tu vois ? Rien n'est accepté. Parce que lui, il n'a pas... Avec la niya, mais la niya barakallahu fik, elle doit être en conforme avec la législation. Je vais te donner un exemple très simple qui m'est arrivé un coup. Un coup, je voulais me rendre à une mosquée là-bas au Royaume-Uni. Dans ma tête, ma niya, c'était quoi ? C'était me rendre à la mosquée qui est là. Et subhanallah, ça c'est ma niya, je veux me aller là. Mais j'étais en train de prendre la route qui était opposée. Et comme ça. Je m'écartais, je voulais m'éloigner. Et l'imam me disait, mais elle est derrière la mosquée. Je dis, ah, subhanallah. Ta niya, tu vas à Marseille pour aller au bled, d'accord ? Mais tu prends l'autoroute de Lille, ri. Tu arriveras dans les autoroutes du sud. Tu n'arriveras jamais à Marseille. Tu arriveras à Lille, Calais. Parce que c'est vide là-bas. Tu arriveras, tu vois ? Donc, ce qu'il y a, ri, barakallahu fik, yani, si ta niya, elle est correcte, mais elle n'est pas en conformité avec la sunna, tu as une bonne niya. Abu Abdurrahman, Abdallah ibn Mas'ud, il rentre dans la mosquée. Il trouve, enfin Abu Musa al-Ash'ari, un autre sahabi, il est venu le voir en lui disant, j'ai vu des gens en train de faire du dhikr en groupe. Il y en a un, il leur dit, il jetait une pierre et il leur disait, dites 100 fois la ilaha illallah, dites 100 fois Allahu Akbar, dites 100 fois Alhamdulillah. Et lui, il faisait en groupe, Allahu Akbar, Allah, en groupe. Ça, c'est après la mort du prophète. Abdallah ibn Mas'ud, il lui dit, tu leur as dit quelque chose ? Il a dit, Non, j'ai préféré venir te voir. Regardez, subhanallah, adab nta les sahaba, le comportement des sahaba. C'est qu'il est plus savant, il va aller retourner vers lui. Donc il est revenu, Abdallah ibn Mas'ud, il a trouvé les gens en cœur. Qu'est-ce qui rend ? Va faire ça aujourd'hui dans une mosquée, tu vois, ils vont te tuer direct. Il leur dit, malheur à vous ! Waïlukum ! Imagine, les gens ils sont en train de dire Allahu Akbar en cœur. Et lui il rentre, il dit malheur à vous. Subhanallah. Il y en a une chaise, il te la jette, tu vois. Subhanallah. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, oh Abba Abdurrahman, nous ne voulons que le bien. Hein ? Ma nurid illa al-khayr. Nous ne voulons que le bien. Il a dit, kam yurid al-khayr, la yusibu. Combien veulent le bien ? Hein ? Mais ne l'atteigne pas. Sanniya, il veut faire le bien. Mais ce n'était pas en conformité. Qu'est-ce qu'il lui dit après ? Il lui dit, soit vous êtes l'une des deux choses. Hein, de deux choses l'une. Soit vous êtes sur une guidée meilleure que la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous faites quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donc, ça veut dire quoi ? On essaie de se poser. Tu vas adorer Allah mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui n'a jamais fait ça. Il a délaissé ça toute sa vie. Et toi aujourd'hui tu le fais. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a un bien dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait-il qu'il y avait un bien mais ne l'a pas transmis à sa communauté ? Si on dit ça, ça veut dire qu'on accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir transmis le message. A'oudou billah. Allah azza wa jalla dit "Balligh risalat rabbik." Transmets le message de ton Seigneur. Donc si on dit qu'il savait mais il ne l'a pas dit, donc il n'a pas tout transmis. Donc c'est une grave accusation ça. Mais si on dit, donc soit il savait, il ne l'a pas dit, ou soit il ne savait pas qu'il y avait un bien à faire ça. Et aujourd'hui en 2016, les gens savent mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a un bien à faire telle chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas. A'udhu billah. Donc dans les deux cas, taqdahuna fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est très grave ça. C'est une insulte envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Barakallahu fikum. Donc, ils ont dit quoi ? Ça c'était pour avec le sujet de la niya, barakallahu fikum. Eux, ils voulaient le bien. Il leur a dit soit vous êtes sur une guidée meilleure que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il leur a dit ses vêtements sont encore là, sa vaisselle est encore là, et vous commencez à inventer dans la religion d'Allah. Soit vous êtes sur une guidée mieux que la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit vous ouvrez les portes de l'égarement. L'imam Malik, rahimahullah, imam Darul Hijra, grand savant d'Islam, on connaît tous. Qu'est-ce qu'il avait dit ? C'est rapporté par Ibn Majashoun, rahimahullah, dans le livre de l'imam al-Shatibi qui s'appelle l'I'tisam. Il a dit quoi ? Il a dit, man ibtada'a fil islam bid'a, celui qui innove dans la religion d'Allah. Il invente quelque chose qui ne fait pas partie de là. Wa yara hasana, et il voit comme que c'est bien, qu'il n'y a pas de problème. Il invente, et puis il se dit, bah, c'est quoi le problème ? Je ne tue pas des gens, hein, je suis là. Wa yara hasana, et qu'il la voit comme étant bonne. Faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. A'udhu billah. Il prétend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Parce qu'Allah dit, aujourd'hui, je n'ai pas rachevé pour vous votre religion. Elle est complète, tu n'as plus rien à rajouter. C'est une religion de suivi. Tu suis, tabba. Tu vois ? Tu as juste, regarde, le Coran, la sunna, tu tabba. Tu ne sais pas, tu te renseignes. Où est la preuve ? Pour que je fasse ça, vas-y, que je l'applique. C'est comme ça, c'est tout. On ne te demande pas hein, de faire de la philosophie, voilà, de pour l'inventer. Tout est là. Après, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, « فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذَنْ دِينَا لَا يَكُنْ الْيَوْمَ دِينَا » Ce qui n'était pas une religion du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera jamais une religion aujourd'hui. L'imam Malik, rahimahullah. Barakallahu fi. Abu Darda, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il avait dit ? Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit quoi ? Il avait dit, « قُبِذَا النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est décédé. وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا وَقَدْ تَرَكَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et il n'y a pas un oiseau qui tourne ses ailes dans les cieux excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un savoir dessus. Imagine, il a tout transmis, il a tout enseigné. Tu vois? Donc, sahih, nqulu la niyya, certes, parce que innamal a'mal bin niyyat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par leur intention. Mais cette niyya là, elle doit être en conformité avec la législation. Ça, ça doit être collé. Tu vois? Tu veux faire le bien? Tu veux faire un acte d'adoration pour te rapprocher d'Allah? Assure-toi que c'est conforme à la sunna. Vous savez, lorsque Rajab était venu, les gens, il y a des innovations comme ça qu'ils essaient. Ils disaient, pour revenir à notre sujet, Inch'Allah, mais on va fermer vite fait la parenthèse. Alors, le premier vendredi du mois de Rajab, tu dois faire une salat de 1000 unités. El fraka. Ben, s'il y a un bien dans ça, je veux bien la faire. Cependant, apporte-moi ta preuve. C'est comme ça qu'on doit penser. Le musulman, il doit penser comme ça. Tu me dis de faire ça? Allez, dis-moi, c'est où? Délil, il est où? Parce que s'il y a un délil, je le fais. Dès le vendredi qui vient, je le fais. Mais le mouchkla, c'est quoi? C'est des gens araft qui, voilà, émotionnellement, mais c'est quoi le problème? Je ne suis pas en train de tuer des gens, je suis comme ça. C'est pas une question écrite, subhanallah. Pas une question écrite de tu veux faire le bien. Tu veux faire le bien? Suis. Ah, quand les kutub, ils sont maujoudin, écrit. Subhanallah, les livres de hadith. Tu trouves des livres de hadith. Regarde, مثلا, tu vois Sahih al-Bukhari ici. Des livres qui sont maujoudin. Parfois, les livres, ils ne sont jamais utilisés. Tellement la poussière est juste. Hein. Tu vois, ils sont là. Mais ça fait bien parce qu'ils sont beaux, tu vois. Regarde, le doré, il ressort, ça fait une bibliothèque, il se passe quelque chose. Cependant, subhanallah, ikhi, barakallahu fikum, c'est fait pour l'étudier. Tu vois? Barakallahu fikum. Donc, il faut connaître les buts de la sharia. D'accord? La prière. Le but. Le saum. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il a été prescrit pour vous le jeûne. Comme il a été prescrit à ceux d'avant vous hein, qui ont reçu le livre. La'allakum tattaqun, peut-être atteindriez-vous la piété. Tu vois? Parce que le musulman, jamais il se dit c'est bon, j'ai atteint. C'est rien. L'imam Ahmed rahimahullah, hein, il est en train de mourir. Imam al-Sunnah. Son fils lui disait « Qul la ilaha illallah ». Et lui, il était « Fis sakarat al-maut ». Tu sais « Fis sakarat al-maut » Il y a une question en français. Sakarat. L'agonie de la mort, barakallahu fik. L'individu, il n'a pas toute sa tête. Tu vois? Est-ce qu'il y avait... Il disait « La ». Après, il se réveille et son fils lui disait « Je te dis, dis la ilaha illallah ». Tu me disais « Non ». Il disait « Je ne parlais pas à toi. Le diable m'est venu. Et il m'a dit « Toute ta vie, Ahmed ». J'ai essayé de t'égarer et de te dévier, je n'ai pas réussi. Et il attendait de moi que je dise oui, c'est vrai. Si j'aurais dit ça, hein, je serais complètement perdu. Il avait dit, je ne sentirai la tranquillité, pas lorsque j'aurai un pied au paradis, mais lorsque j'aurai les deux. On est loin, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter et de nous aider, de nous augmenter notre savoir. Le mois de Ramadan, donc le but, c'est, barakallahu fikum, hein, la taqwa. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni, où est-ce que les diables sont enchaînés. Et il y a une mauvaise compréhension parfois de ce hadith-là, que les diables sont enchaînés. Ça ne veut pas dire que les diables sont enchaînés, mais ils font rien. Non. Tu veux enchaîner quelqu'un, il peut te traiter, hein, ouais. Tu vois. Il peut te dire du mal, il peut te faire, tu vois. Rien qu'avec des paroles, tu vois. Mais il a moins de pouvoir. Le diable s'enchaîner, ça veut dire quoi? Il a moins de pouvoir. Cheikh l'Islam, rahimallah, il avait dit quoi, Ibn Taymiyyah? Il avait mentionné en donnant, en expliquant, et cela, c'est en fonction du degré du jeûne de l'individu, du musulman. Comment il le fait? Tu vois? Là, ça va avoir un impact. Un jeûne sincère. Ou est-ce que tu jeûnes, ça veut dire quoi? Tu jeûnes, ça veut dire que tout ton corps jeûne. Tes oreilles, tes yeux, ta bouche, ta langue, tes mains, tes jambes, tu jeûnes. Ton but, en espérant d'atteindre cette piété-là. Hein? Parce que si tu vas essayer de te réformer et que tu vas essayer d'atteindre cette piété-là, tu vas essayer, Eri. Tu fais ta niya, ton intention, tu la renouvelles afin que tu espères l'atteindre. Et tu demandes l'aide d'Allah. D'accord? Là, ta vision, elle va complètement changer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que... Et tu vas voir la différence entre l'individu qui craindra que son jeûne ne soit pas accepté. Hein? Men lam yada shahadat az-zur, yani ou qawl az-zur, comme on verra dans le hadith. Les propos mensongers, celui qui ne délaisse pas le propos mensonger, les insultes, les mauvaises paroles. Là, l'individu, il jeûne. Mais cette réforme que l'individu essaie de s'appliquer pendant ce mois de Ramadan, ça doit l'aider à continuer. Parce qu'un signe, qu'Allah Azzawajal, un signe, parce que c'est Allah Azzawajal sait de qui il accepte, un signe, qu'Allah Azzawajal accepte, à accepter une bonne œuvre, c'est que tu fais suivre une bonne œuvre par une autre. Tu vois? Donc ça veut dire que tu t'es, t'as essayé de te réformer pendant ce mois-là. Craindre Allah plus. Te remettre en question plus. Faire attention aux droits d'Allah. Faire attention aux droits des gens. Tu vois? Que tu te dis de toute façon, Eri, Mahma, peu importe ce que les gens disent. On te dit oui, ça, je vais, je sais pas quoi, je vais pas t'aider. T'es seul dans ta tombe. Tout seul. Toi, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Juste, je me pose comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait, Ri? Pour espérer la miséricorde d'Allah. C'est ça la question. Donc, c'est un mois de discipline. On ne doit pas rester au même stade. C'est pas t'es rentré, t'es sorti, y'a rien qu'à changer. Il y en a, ils ne connaissent la prière que pendant le mois de Ramadan. Et il y en a, ils ne connaissent l'adoration que pendant le mois de Ramadan. Et les pieux prédécesseurs disaient, ne réussira pas un peuple, barakallahu fik, ne réussira pas un peuple hein, qui ne connaît Allah, qui ne connaît l'adoration d'Allah que pendant le mois de Ramadan. La communauté musulmane, elle est arriérée, elle est combattue, elle est je sais pas quoi, elle est regardée, elle fait une millière, elle se fait. Mais il y a un travail individuel, Eri. C'est pas l'individu, il reste corrompu à regarder la télé, à regarder je sais pas quoi, et il souhaite que les autres fassent pour lui. Non. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu fikum. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il se change de par lui-même. Lui-même, c'est quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, il va changer, modifier, hein, se réformer. En espérant qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous. En espérant qu'Allah ait miséricorde sur nous. Allah Azza wa Jalla dit: وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنَ اتَّقُوا اللَّهِ. Dans Sourat al-Nisa, verset 131, Allah Azza wa Jalla dit, dans la traduction du sens du verset, « Nous avons enjoint à ceux auxquels, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même, de craindre Allah. » Ben, c'est quoi la taqwa? « كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Qu'est-ce qui est voulu? Mal murad bit taqwa. Qu'est-ce qui est voulu par la taqwa? La crainte. C'est quoi la crainte d'Allah Azza wa Jal? Contrairement à ce que j'ai pu entendre des gens qui prêchent et qui disent des mensonges. La crainte d'Allah, c'est quoi? Craindre le châtiment. Qu'est-ce qu'on peut dire? La crainte d'Allah. Si on vous dit c'est quoi la crainte d'Allah? Comment que je peux faire? Non. Ouais, respecter les limites, un arme, ça reste général, non? Ouais, la peur. Mais ce qu'il y a, c'est que Donc le musulman, il doit vivre entre quoi? Entre deux. Hein? Entre le khawf ou le rajah. Ça c'est ça. Le sunna c'est ça. Les gens de la sunna, c'est ça. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Il vit entre la peur et l'espoir, c'est la miséricorde. La peur du châtiment et l'espoir de la miséricorde d'Allah. C'est quelqu'un du juste milieu. Celui qui suit la sunna, c'est quelqu'un du juste milieu. Il ne tombe pas dans les extrêmes. Parce qu'à chaque fois que tu fais une extrême dans quelque chose, celui qui veut faire de l'extrême dans quelque chose, en voulant, مثلاً, inventer quoi que ce soit et puis se donner des difficultés, prie 1000 unités de prière. Tu sais quoi une raka? C'est le fait que tu fais une inclinaison, tu te relèves de l'inclinaison et que tu fais deux prosternations. Ça s'appelle une raka. C'est-à-dire que si tu viens et l'imam il a déjà fait une raka, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que s'il s'est relevé de son inclinaison, tu as perdu la raka. D'accord? Parce que l'inclinaison, c'est quoi? C'est une raka, c'est une inclinaison, tu te relèves de l'inclinaison et c'est deux prosternations, deux soujouds. Ça s'appelle une raka. Donc, 1000 raka. D'accord? Donc, il veut se rendre difficile et il croit qu'en se rendant difficile, il va avoir une récompense. Non, rien. Hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala? Qui sont-ils? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. Hein? Devrais-je vous informer des pires des perdants? Akhsar, le pire des perdants. Ceux qui se sont égarés de la droiture, hein? Dans cette vie d'ici-bas. Et ils se disaient que ils ne font que du bien. D'accord? Donc la taqwa c'est quoi? Donc il y en a qui disent non, tant que tu fais les obligations. Après, même si tu fais des péchés, si tu fais je sais pas quoi, c'est pas grave, c'est quelqu'un de... C'est faux, ça. Ça, c'est faux. La taqwa, c'est faire les ma'mourat. Faire tout ce qui est obligatoire. Faire les ma'mourat. Barakallahu fi. Tark al mahzourat. Délaisser ce qui a été mis en garde. D'accord? Wa tiqa al shubuhat. Et se préserver des équivoques. S'écarter des équivoques. Et ça, cette définition-là, vous avez dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-halal bayyin, wal-haram bayyin, barakallahu fikum. D'accord? Wa baynahuma umuran mutashabihat, barakallahu fikum. Donc, celui qui s'écarte des équivoques, donc le licite est clair, l'illicite est clair. Le licite est clair, c'est fi'l al-ma'murat. L'illicite est clair, c'est tark al mahdourat, faire les obligatoires, délaisser hein, ce qui a été mis en garde contre. Tu vois? Wa baynahuma umuran mutashabihat, et entre deux, il y a des choses équivoques, qui portent à équivoques, qui ne sont pas claires, qui sont douteuses. Ittiqa al shubuhat, craindre les équivoques. C'est ça la taqwa. La définition de la taqwa, ce sont ces trois points-là. D'accord? Faire les obligatoires, délaisser les interdits et se préserver, se protéger, s'écarter des équivoques, des choses douteuses. Hein? Donc ça, c'est la taqwa. D'accord? An Anas bin Malik radiyallahu anhu, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, man lam yada' al-khina wal-kadhib, fala haja lillahi an yada' ta'amahu wa sharabah. Vous voyez? D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. La tromperie et le mensonge. Et il jeûne. Il croit que parce que voilà, faut le faire, donc il le fait. Tu vois? C'est pas ça. Faut pas que quelqu'un il a ses attributs des hypocrites. Hein? Hein? Qui ne se lève pour la prière qu'avec paresse. Non. Il fait parce qu'il sait c'est quoi le but, donc il va essayer de l'atteindre. D'accord? Mais celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et Allah Azza wa Jal nous a offert plusieurs saisons afin qu'on se réforme. Quelles sont les saisons? Allah. On a le Hajj, on a les Umrah, d'accord? On a le jeûne de Shawwal, d'accord? On a le jeûne de Sha'ban. On a le jeûne de Ramadan. Subhanallah. On a Zakat al-Fitr. On a la zakat chaque année, subhanallah. Les sadaqa. Oui, les saisons pour que l'individu, hein, il se réforme. Qu'est-ce que siyam? Siyam, lughatan, ma'nahu? Barakallahu fik, ça c'est lughatan. Très bien, oui. C'est l'imsak ani shay mutlaqan. C'est le fait de se retenir. Le fait de se retenir, le jeûne, c'est le fait de se retenir, hein, de toute chose. Le siyam, c'est le fait de se retenir de toute chose. D'accord? Wa siyam shar'an, qu'est-ce qu'on doit rajouter là? Le siyam dans la législation, qu'est-ce qu'on doit rajouter? Naam. Et il manque ce que j'attendais. Ça, c'est bon ça, mais il manque quelque chose de très important qui fait que c'est selon la législation. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il manque? Que c'est une ibad. Parce que si il ne mange pas du fajr, hein, je vais jusqu'au maghrib, et qui s'écarte des shahawat, des désirs et tout cela. Yani, il jeûne, oui ou non? Il jeûne. Cependant, il ne jeûne pas selon la législation. D'accord? Non? Le? L'adoration. L'ibada. L'adoration. Donc, il se doit de le faire parce que imtithal li amrillah. D'accord? Parce qu'il se soumet à Allah Azza wa Jal. D'accord? Siyam shar'an, huwa at-ta'abbudu. C'est ce mot-là qui est important. At-ta'abbudu lillahi bil-imsak anil akli wa shurbi wa sa'ir al-mufattirat imtithalan li-amrihi min tulu'i al-fajr ila ghurub al-shams. Donc tout ça c'était bon, il manquait la partie la plus importante, barakallahu fik. Donc at-ta'abbudu lillahi. D'accord? Donc le jeûne en islam, selon la sharia, signifie d'adorer Allah, le Très-Haut, en s'abstenant de boire, de manger, de faire tout acte qui annulerait le jeûne, hein, s'écarter de ses désirs, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, d'accord? S'abstenir de tout cela par acte d'adoration. D'accord? C'est pas comme j'avais entendu des jeûnes hier, subhanallah. Ouais, je vais jeûner le week-end, et puis, parce qu'après j'ai les cours, et puis après, bon, pendant les vacances. C'est ce que je veux dire. Tu l'as entendu, hein, c'est ce que je veux dire. Si je faisais des passes comme ça, qu'est-ce que tu veux dire? Allah Mustahan. Hein? Donc, et là, vous voyez, but, taqwa, adoration, réforme de l'individu. Il ne connaît pas le but. Il y en a, ils entendent Ramadan. On croyait qu'une montagne s'est abattue sur eux. Oh là là, comment je vais faire? J'ai un examen. Tu vois? Je vais faire. Et puis ils vont essayer de trouver une fatwa chez leurs parents. Non? Ouais, bah oui. Il va te dire, attends, j'ai examen, oui, mais t'as vu, je peux pas. Tu peux pas quoi, subhanallah? Yani, Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik, le Coran et la Sunna, ils s'appliquent en tout lieu et tout temps. On est d'accord? Jusqu'à Qiyam al-Sa'a. Allah Azza wa Jalla. Il sait que les gens, ils allaient travailler, que les gens, ils allaient avoir des examens, ils allaient avoir des... D'accord? Il a légiféré les 5 prières. Il ne peut pas dire, oh non, je ne peux pas, parce que je ne sais pas quoi, je travaille. C'est Allah qui te donne le risque et tu vas dire... Non, c'est possible de le faire, Eri. C'est possible de le faire. Donc, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas correct de dire seulement que le jeûne, c'est de ne pas manger ni de boire, ni d'avoir des rapports. Pourquoi? Parce que c'est un acte d'adoration. D'accord? On jeûne pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. On se soumet aux ordres d'Allah, car c'est l'islam. Et l'islam, c'est quoi? Quelle est la définition de l'islam? Un kafri vient et vous dit, c'est quoi l'islam? Ça, c'est arkan al-iman. Ça, c'est arkan al-iman. Là, il t'a pas dit quels sont les piliers de la foi. Hein? Il t'a pas demandé l'ihsan. Il t'a pas dit c'est quoi l'ihsan. Non, il t'a ni demandé les piliers de la foi, ni l'ihsan c'est quoi. L'islam est ibadah lillah wahdahu Naam. La soumission à Allah Azza wa Jal par le biais du par sur la aqida. Naam. Naam. Unicité quoi. Ça c'est l'islam. Définition. L'islam. Voilà, les trois points, c'est la ilaha illallah qui sont retrouvés dedans. L'islam, c'est la soumission à Allah, par quoi? Par le pur monothéisme. Ça veut dire que toi, had rabbi, dans ton adoration. Toi, hadou. Tu l'unifies. Tu vois? Tu te soumets à Allah par le pur monothéisme. Tu ne le fais que pour Allah, pas pour les gens qui disent oui. Wal-inqiyadu lahu bitta'a. Cette soumission-là à Allah, sincèrement, en l'unifiant dans ton adoration, hein, ça va te mener à ce que, à la sujétion, c'est-à-dire à l'obéissance, hein, à Allah Azza wa Jal. Obéir à Allah Azza wa Jal. Donc tu ne peux pas dire, ma soeur, hijab, il est obligatoire. Je ne suis pas convaincu. C'est pas ça. Tu vois? L'obéissance à Allah. Aïcha radiallahu anha dans Sahih al-Bukhari. Elle avait dit lamma nazalat ayatul hijab, quand le verset du hijab a été révélé. Il est révélé, barakallahu fikum, durant la nuit. Durant la nuit. Qu'est-ce qu'elle disait dans le hadith radiallahu anha? Elle a dit quoi? Elle a dit, il a été révélé durant la nuit ce verset, ayatul hijab. Elles sont sorties avertir toutes les femmes durant la nuit. La prière du Fajr est arrivée, toutes les femmes étaient avec leur hijab. Al-inqiyadu lahu bitta'a. Tu vois? Et le troisième, wal-bara'ati min ash-shirk wa ahli. Et tu te désavoues du politisme et de ses adeptes. C'est obligé. Celui qui ne fait pas ça, ça ne lui sert à rien, la ilaha illallah. Tu vois? Ça ne lui sert à rien, la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Celui qui atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah, et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, son bien et son sang sont sacrés, son jugement revient à Allah. Tu vois? مفتاح الجنة لا إله إلا الله. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مفتاح الجنة الصلاة. Donc ça, c'est ça, hein, la définition de l'islam. Barakallahu fikum. Donc, saum ramadan, ruknun min arkan l'islam, wa fardun min fara'idih. Le jugement du jeûne du mois de ramadan. Le jeûne du mois de ramadan, c'est un des piliers, c'est un pilier des piliers de l'islam. D'accord? Il y a cinq piliers de l'islam. D'accord? Shahadatayn, les deux attestations de foi. D'accord? Salat. الزكاه صوم رمضان بارك الله فيك الحج pour celui qui a les moyens بارك الله فيك فهمت. Donc le jeûne du mois de Ramadan est un pilier des piliers de l'islam et c'est une obligation parmi ses obligations. Et le jeûne, il est de deux types. C'est quoi les deux types de jeûne? Il est obligatoire et l'autre surérogatoire. Celui qui n'est pas obligatoire. Il y en a un qui est obligatoire, d'accord, et l'autre qui est surérogatoire. Barakalofik. Le jeûne obligatoire, il est divisé en trois. Il y a trois types de jeûne obligatoire. Qui c'est qui les connaît, les types de jeûne obligatoire? Donc déjà, il y a lequel qu'on connaît tous là? Voilà, Saum Ramadan, ça c'est le premier. Deuxième, Naam, barakallahu fik, saum al-mukaffirat. Le fait de jeûner, le jeûne de l'expiation. Naam. C'est-à-dire, mathalan. Ouais, barakallahu fik. Il a juré qu'il allait faire quelque chose, d'accord? Il l'a juré, ouais, je vais faire ça. Et en fait, il ne l'a pas fait. Il est obligatoire de jeûner, d'accord? Ça, c'est le deuxième jeûne, d'accord? Trois jours, c'est lorsqu'il a, barakallahu fik. Et le troisième? Non, c'est pas obligatoire ça. C'est pas obligatoire. Shawm al-Nadhar. Ça veut dire quoi? Al-Nadhar, c'est quoi? c'est le jeûner à la suite d'un vœu. Mais ça, c'est déconseillé. D'accord, Masoun ? Non, c'est-à-dire, maintenant, il va te dire... Voilà. Si maintenant, j'ai mon bac, je vais jeûner un mois. Il va dire le caca. Là, il est obligatoire pour lui de jeûner, s'il l'a. De jeûner un mois. Un mois. Obligatoire. S'il dit, par exemple, si je fais telle chose, je vais jeûner trois mois. Il est obligé de jeûner trois mois. Tu vois ? Mais ça, ce type de jeûne-là, il faut éviter hein, de dire ce genre de, de souhait. Tu vois ? Ça, c'est déconseillé dans la sunna. C'est déconseillé. D'accord ? Si c'est déconseillé, pourquoi Sourate Maryam, il dit « Nadartu lillahi sawma » ? Naam. Naam, mais ça veut dire quoi aussi ? Sawma, ne ? Ça, c'est fil shara. C'est fil lura, barakallahu fik. Nadartu... Hein ? Ouais. Eh bien, le sawm, c'est quoi ici ? C'est le fait, c'est l'imsek al-kalem. Tu vois ? C'est, en fait, les ulama, ils ont utilisé, barakallahu fik, le verset. En fait, je ne l'ai pas ramené ça, parce que sinon, pour éviter de faire trop dans le détail. Mais, dans la, linguistiquement, le verset, barakallahu fik, que tu as... Voilà, le verset que tu as mentionné, barakallahu fik, là, c'est l'imsek. Hein, se retenir de parler ici. D'accord ? Barakallahu fik. Non, ça c'est déconseillé de faire de jeûner à la suite d'un vœu. Pourquoi en fait ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama yustakhraju min al-bakhil » hein ? Ce genre de vœu ne provient que de l'avare. Ça veut dire qu'il ne fait le bien que s'il a du bien. Ah, si Allah il me donne, eh bien je ferai ça. Il y en a, vous voyez ? C'est pour ça que c'est déconseillé, tu vois ? Pour ça, il faut éviter. Parce que ça, c'est le jeûne. Barakallahu fik. Jazakallahu khir pour ça. Parce que c'était un point aussi qui permet de rajouter à linguistiquement. Jazakallahu khir. Donc, قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الآيات إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ بَرَكَ. Donc, Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens des versets, « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam le jeûne, d'accord ?« Kutiba alaykum ay furida alaykum » بَرَكَ. Ça veut dire « prescrit », on dit « obligatoire », d'accord ?« Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, hein, ainsi atteindriez-vous la piété. » Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ces jours sont, il y en a pour, hein, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous atteste l'entrée du mois, qu'il le jeûne. D'accord ? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيْ لِأَجْلِي تَتَّقُوا اللَّهُ لِأَنَّ السِّيَامُ جُنَّةُ. C'est quoi le siyam jonna ? Donc, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, atteindriez-vous la piété ? Hein ? Parce que siyam, c'est jonna. Jonna, c'est une protection. Le jeûne, c'est une protection. Il va te préserver. بَارَكَ. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. D'accord. Donc l'attestation, l'islam est bâti sur cinq. L'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, que Muhammad est son envoyé, d'accomplir la prière, s'acquitter la zakat, accomplir le pèlerinage et jeûner le mois de Ramadan. Donc ça, ce sont les preuves du Coran et de la Sunna, mais aussi l'unanimité donc des savants. Lorsqu'on dit ijma al umma, lorsque vous lisez par exemple ajma'at al umma, ça ne veut pas dire maintenant tous les musulmans. C'est la majorité. Les savants. Parce que là, aujourd'hui, il va essayer de comme ça. Donc lorsque vous lisez ajma'at al umma, ça veut dire les savants qui sont connus pour leur science et leur piété, d'accord ? Donc, أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة. Ça c'est très important ça. علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. Donc la communauté, c'est-à-dire les savants qui sont reconnus pour leur science et leur piété, d'accord, est unanime. Vous savez les preuves, c'est le Coran, la Sunna et l'Ijma', d'accord, et le yani consensus. Ijma', la preuve, elle est où la preuve de l'Ijma'? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne se rassemblera pas sur un égarement. D'accord? Donc la communauté est unanime sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et qu'il fait partie des piliers de l'islam, qui est reconnu au niveau de la religion comme étant ainsi, sans aucun doute, pas de place au débat dans l'État. D'accord? Et celui qui renie le jeûne du mois de Ramadan est un mécréant qui a apostasié de l'islam. Ça, c'est tout. Et même tous les piliers de l'islam. Celui qui renie l'obligation d'un des piliers, c'est un kafir. Il renie, par exemple, ah, c'est pas obligatoire de jeûner. Ça, bien sûr, il faut apporter la preuve, tu vois. Montrer, mais s'il se tient sur cette position-là en disant non, c'est pas obligatoire, ou de billah. C'est un kafir murtad, ça ils disent. Les créants apostats qui apostasent. D'accord? Et lorsque les savants disent d'un sujet, min el ma'loum, min el din, min el daroura, d'accord, tous ceux qui renient ce qui n'a pas de place au débat dans cela, hein, eh bien, ceux qui renient cela sont mécréants. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, notamment en Tunisie, il y en a un, il vient, et puis. Tahrim al-khamr. L'interdiction de l'alcool et du vin. D'accord? Ajma'at al-umma ala tahrim al-khamr. Il y a les preuves du Coran, de la Sunna et du consensus que la consommation de vin et d'alcool est strictement interdite, illicite. D'accord? Donc ça, c'est un fait. Il n'y a pas de place au débat. Celui aujourd'hui qui vient et qui dit « Non, en fait, je pense que ce verset, il a voulu dire ça. « Fashtenibou. » Hein? Donc, ça ne veut pas dire automatiquement... Et donc, je pense qu'il n'y a pas de... Il dit ces paroles-là. Et il vient, il dit... En Tunisie, il y en a un, il est comme ça. Et il dit « Je pense qu'il n'y a pas de problème, donc... » Donc, moi, je ne vois pas où est le problème de consommer de l'alcool parce que ce n'est pas marqué dans le Coran que c'est interdit. Il va te dire comme ça parce que c'est marqué « Echtenibou ». Ah là là. Voilà. Mais oui, mais c'est ça. Mais non, mais le problème, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Il n'y a pas de verset où c'est mentionné l'interdiction. Non, mais chouf, barakallahu fikum. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Hurrima », c'est interdit. Tu vois ?« Al-kham wal-maysir », subhanallah. Les jeux de hasard et tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais vous voyez, la guidée, elle n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Wallah al-Azim, elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est-à-dire que si Allah Azza wa Jalla guide un musulman, il se doit de remercier Allah. Ce n'est pas donné à tout le monde, barakallahu fik. C'est pas tu dis, t'es musulman, ça y est. Les musulmans, c'est pas tous les musulmans qui suivent la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hak hada, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, il n'est pas grave, c'est licite, tu peux boire. Aujourd'hui, des gens, ils vont sur les mimbara, ils disent, va prendre un crédit bancaire intérêt, tu peux acheter une maison. Pas de problème. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, Eri? Hein? Tu lui dis Allah Azza wa Jalla dit. Le professeur Hassan me dit, il y en avait un qui faisait sa da'wa. Une convertie avait posé la question. Est-ce que j'ai le droit d'acheter un crédit bancaire pour acheter une maison? Le mouchkla, c'est quoi? Tu vois le mouchkla, c'est quoi? C'est parce qu'il se dit, j'ai pas envie de perdre mon public. 15 ans, il a étudié Hada en Syrie. 15 ans, il va te dire, oh, il a mis un truc sur la tête comme ça, tu vois. Soi-disant, tu vois, ça fait, c'est impressionnant. Gros truc sur la tête, il est en train de parler et tout. Question, est-ce que j'ai le droit de prendre un crédit bancaire? Eri, tu vis à Ney, tu sais très bien. D'abord, maintenant, au Royaume-Uni, c'est comme ici. On sait très bien comment fonctionnent les banques. Il y a trois positions des savants. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla interdit l'usure, l'intérêt, fi le Coran, wa fi le Sunna. Subhanallah. Et il n'y a aucun doute sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la li'na, hein, que la malédiction d'Allah soit sur celui qui écrit le contrat, celui qui témoigne, celui qui paie le ribet, celui qui le reçoit. Et là, il va dire quoi? Il y a trois positions. Première position, la sharia ne s'applique pas dans les pays mécréants. Yannick, j'étais là, je l'ai entendu. Non, mais ma'aneta, la tsalli, ou la tsoum, ou la ta'abed rabbi, tu fais. Ta'abed shrabbi. Parce que tu es en pays mécréant, ma ta'abed shrabbi. Donc les sahaba, qui futuhat al-islamiyya, c'était comment? Lorsqu'ils ont fait la da'wa et puis ils ont ouvert l'Andalousie, 8 siècles. C'était des pays mécréants, ça. Tunisie, Algérie, Maroc, c'était pas des pays musulmans, ça, avant. Comment ils sont devenus? Ah non, ma ta'abed shrabbi. Première position, la sharia ne s'applique pas dans les pays musulmans. Deuxième position, par nécessité. Et troisième position, il y a ceux qui disent non. On est comme ça, il y a ceux qui disent non. Pour te dire, oh là là, ceux-là, ils disent non. Tu vois? Subhanallah. J'ai pris la parole, je lui ai dit, subhanallah. Parce que je savais, celui-là, il allait inventer des trucs, donc c'est pour ça que j'étais là-bas. Il y avait une cause sur ça, ma présence. Et donc, ce qu'il y avait, c'est que je lui ai dit, Allah Azza wa Jal a interdit ça dans le Coran. Je lui avais mentionné le verset. Et je lui avais dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit, maintenant juste, dis-moi, s'il y a un savant, peu importe sa science, il dit quelque chose qui oppose le Coran et la Sunna, est-ce qu'on le suit, oui ou non? Est-ce qu'on l'écoute et on prend de lui s'il a dit quelque chose qui opposait le Coran et la Sunna? Non! Ma terre rouge! Il a opposé le Coran et la Sunna. Mais non, tu ne peux pas prendre. J'ai dit, dis-moi oui ou non. Une demi-heure, 45 minutes. J'avais plein de choses à faire. Tu vois. Je lui ai dit, dis-moi oui ou non. Et il ne veut pas. Il a refusé de répondre. Parce que quelqu'un de sa famille m'a dit qu'en fait, il a acheté une maison à Glasgow. Avec intérêt. Donc le mouchkil, il va te dire, non, c'est haram. C'est un deuil. Ils font des institutions. Les gens, ils viennent, ils paient pour apprendre leur dinerie. Tu vois? Donc, barakallahu fikum. Donc, c'est pour ça. Ou est-ce qu'il n'y a aucun doute dessus? Ça y est. Celui qui renie l'obligation de ça, c'est un kafir murtad. D'accord? Bien sûr, il faut apporter les preuves, parce que souvent, les gens, ils sont ignorants. D'accord? Donc, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc ça, c'est la version qui est muttafaqun alayha. Bukhari et Muslim. Barakallahu fikum. La version, vous avez pu peut-être lire ما تقدم من ذنبه وما تأخر, celle-là, elle n'est pas authentique. D'accord? Elle n'est pas authentique, celle-là. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, alors ses péchés passés sont pardonnés. Tu vois le but? Maintenant, réforme, plus de réforme. Alors ses péchés passés sont pardonnés. Et les savants, les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les péchés pardonnés sont les péchés mineurs. Pourquoi? Pourquoi pas les péchés majeurs? Qu'est-ce qui nécessite les péchés majeurs? Une tauba, barakallahu fik. Les péchés majeurs nécessitent une tauba. Barakallahu fik. Tu vois? Donc, péché majeur nécessite une tauba. Péché mineur, Allah Azza wa Jal, il les pardonne, mais c'est conditionné à quoi? Ce que j'avais dit tout à l'heure. L'absolution des péchés mineurs, c'est conditionné à quoi? Le fait qu'Allah Azza wa Jal, il pardonne les péchés mineurs, c'est conditionné à quoi? Que l'individu évite les péchés majeurs. Donc, il ne faut pas faire de péché majeur. Salit al-Jumu'ah, d'accord? Ça, Inch'Allah, si on vit jusqu'à le Jumu'ah Jaya, tu te dis, j'ai une semaine, il ne faut pas que je fasse des péchés majeurs. Il ne faut pas que je fasse de riba, il ne faut pas que je fasse de némima, tu vois? Il ne faut pas que je fasse des grands péchés. Il ne faut pas que je fasse du shirk, asrar. Parce que l'akbar, de toute façon, ça annule l'islam. Mais il ne faut pas que tu vois. Tu te renies à chaque fois ton intention que tu le fais que pour Allah. Quoi que tu fasses. Tu vois? Tu es dans ta salette, tu as commencé, tu as niya, c'est que pour Allah. Il y a des frères qui viennent et ça commence à parler de ça. Et le shaitan, vas-y, essaie d'embellir. Tu vois? Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le combats. Tu renouvelles bien. Tu vois? Et donc, Inch'Allah, ça c'est accepté, bi'inillah. Tu vois? Donc, péchés mineurs sont pardonnés à condition que l'individu évite les péchés majeurs. D'accord? Barakallahu fikum. D'accord? Parce que les péchés majeurs nécessitent la tawbah. Allah Azza wa Jal dit dans le hadith al-Qudsi, et là en fait il y a une explication très importante. Inch'Allah, bi'inillah, barakallahu fikum. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل. Donc lorsque vous lisez le hadith, c'est قال الله عز وجل. Ça veut dire que c'est quoi comme hadith? قدسي. قدسي. بارك الله فيك. Ça veut dire le prophète صلى الله عليه وسلم dit que Allah عز وجل dit c'est hadith قدسي. Voilà. بارك الله فيك. Allah يتكلم. بارك الله فيك. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. Et là, il y a trois explications importantes ici. Kullu amal ibn Adam lah illa siyam. Kullu amal ibn Adam lah, c'est-à-dire tous les actes du fils d'Adam sont à lui, sauf le jeûne, il est à moi et c'est moi qui lui en donne la récompense. D'accord? Fa innahu li wa ana ajzi. Wa ana ajzi bih. Et on continuera la suite du hadith dans l'explication. Mais tout d'abord, on va se focaliser sur cette partie-là où est-ce qu'il y a des explications. Tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent. Les ulama, ils ont dit, il y a trois explications ici. Première explication. Tous les œuvres du fils d'Adam l'appartiennent. Ils ont dit, c'est-à-dire... La bonne action, ça c'est la première explication. La bonne action est multipliée au minimum par combien ? 10, barakallahu fik. Et elle peut être multipliée jusqu'à 700, voire plus. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Justement, barakallahu fik. Illa siyam fa innahu li, excepté, sauf le jeûne, il est à moi. Ay, thawabu siyam laysa lahu had. Subhanallah. Hein ? La récompense du jeûne n'a pas de limite. Donc, les actions du fils d'Adam lui appartiennent. Les actes qu'il fait, lecture du Coran, yani dhikr, tout cela, yani, hein, toutes les œuvres pieuses qu'il fait. Et la bonne action, elle est multipliée par 10, parfois par 700, voire plus. D'accord ? Tandis que le jeûne, en ce cas, les ulama, ils ont dit, la récompense du jeûne n'a pas de limite. La récompense du jeûne n'a pas de limite. Imaginez, mes frères, lorsque vous allez voir les autres explications, pensez au jeûne du lundi et jeudi, toute l'année. Pensez au jeûne de la pleine lune, jour de pleine lune, l'ayam bayt barakallahu fik, 13e, 14e, 15e jour du calendrier musulman, hein, hijri, lunaire. Barakalofik, c'est pas 13e, 14e, 15 jours, 15e du Hadha, non. C'est une ta. Naam, barakalofik, c'est. Voilà. Donc la récompense qu'Allah peut attribuer à celui qui jeûne est sans limite. Première explication. Deuxième explication. Tous les actes du fils d'Adam sont à lui, c'est-à-dire qu'elles lui appartiennent, et que le jour du jugement, hein, il pourra lui être enlevé de ses œuvres pour être donné à quelqu'un avec un dhalmou, s'il l'a oppressé, s'il l'a insulté, s'il lui a fait du mal. Il sera pris de ses bonnes actions et donné à celui qui a été lésé, qui a été oppressé. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Abi Hurayra radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qal, atadruna mal muflis. Savez-vous qui est le ruiné? Qalu al muflis fina man la darham lahu wa la mata'. Le ruiné d'entre nous, c'est celui qui n'a pas de dinar ni de darham, qui n'a pas d'argent. Yani le pauvre, il voyait. فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسْ مِنْ أُمَّتِي. Le ruiné de ma communauté. يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il vient le jour de la résurrection. بِالصَّلَاةِ. Avec les prières. وَالصِّيَامِ. Avec le jeûne. وَالزَّكَاةِ. Avec la zakat, là, il y en a obligatoire. وَيَأْتِ. وَقَدْ شَتَمَ هَذَا. وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من خطاياهم فترحت عليه ثم ترح في النار. Très dangereux, très important et très dangereux à la fois. Qui est le ruiné? Vous savez qui est le ruiné de ma communauté? Celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas de dinar, qui n'a pas de... Le ruiné de ma communauté est celui qui vient le jour de la résurrection avec les prières, avec le jeûne, avec les jeûnes qu'il a fait, avec les zakats. Hein? Et il vient, et alors qu'il a insulté un tel, s'est mal comporté avec un tel, a fait effuser le sang d'un tel, a fait couler le sang d'un tel, a frappé un tel, il sera pris de ses bonnes actions et sera donné à ceux qui ont été oppressés. Et s'il n'a pas terminé avec tous les gens avec qui il aura fait du mal, et qu'il a donné toutes ses bonnes actions, il sera pris de leurs mauvaises actions et ils seront jetés sur lui. Et il sera jeté en enfer. D'accord ? Donc, dans le hadith Qudsi ici, « Illa siyam fa innahu li » les bonnes actions qu'il a eues grâce au jeûne resteront en sa possession. D'accord ? Et ils ne seront en aucun cas donnés aux personnes offensées. Toutes ces bonnes actions qu'il a faites, ce sera donné en fonction, il y en a toutes, en fonction du degré d'oppression qu'il a fait aux gens. Ce sera donné à qui il a oppressé. D'accord ? Excepté le jeûne, ce ne sera pas touché. Tu vois ? C'est pour ça. Ça, c'est la deuxième explication, barakallahu fikum, des savants qu'on a. La troisième explication, kullu amal ibn Adam lah, ay kullu amal ibn Adam yumkin an yuradu bihi haddun min ad-dunya. Subhanallah. La troisième explication, barakallahu fikum, tous les œuvres, toutes les actions du fils d'Adam lui appartiennent ou sont à lui, c'est-à-dire qu'il peut faire tous ces actes-là en voulant par cela ou en espérant par cela la dunya ici-bas. Illa siyam fa innahu li, sauf le jeûne car il le fait pour moi. Il y a des gens, je connais des personnes, ils font des prêches et ils viennent en fait pour un poste pour recevoir de l'argent. Et ils devaient aller au bled. Je vais retarder le fait d'aller au bled. Allez, je vais prier Ramadan et puis ils vont me payer. Tu vois le problème, Yanni, tu le fais pour qui? Tu fais pour recevoir de l'argent ou tu le fais pour Allah Azza wa Jal? Vous connaissez Mohamed Amin al-Shanqiti, celui qui a fait Adwa al-Bayan, tafsir. Subhanallah. Il est rapporté sur lui qu'il ne connaissait même pas c'était quoi l'argent. Subhanallah. Regardez les savants. Hein? Hada pour la dunya. Bon, voilà, Allah, hein, pour essayer de toucher de l'argent. Donc, il peut faire. Ça, c'est une œuvre pieuse, d'ailleurs, par la clofi. Il y a prière. Il y en a même, Ekhi, qui vont essayer d'avoir un titre d'imam pour avoir un travail. Ils font pour le travail. Ils ne font pas pour la da'wa. Pour que, ah, imam, allez hop, tu reçois tant. Ekhi, subhanallah. Yani, on doit se poser quelques questions, là, vite fait. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie c'était la da'wa, on est d'accord ? Hein ? Lutte dans le sentier d'Allah en montrant les preuves pour inviter les gens à l'islam. Toute sa vie c'est la da'wa, Ekhi. Tu crois que lorsqu'il a envoyé Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ou bien il a envoyé Ali, radiallahu anhu, ou il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari, seul, radiallahu anhu, ou il a envoyé Mu'ad Ibn Jabal, radiallahu anhu, au Yémen, seul. Tu crois qu'ils sont arrivés là-bas, il leur a dit, bon, écoutez, je vais faire de la da'wa, hein, ça coûtera tant. A'oudou billah. C'est la dunya, ça. Et ça, ça fait partie de l'anwa' al-shirk, ça. Certains savants l'ont qualifié, certains savants l'ont catégorisé dans du shirk akbar, ça. Vouloir, par une œuvre pieuse, un bien d'ici-bas. Et d'autres l'ont qualifié comme faisant partie des péchés majeurs parmi le shirk asghar. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, la troisième explication, c'est quoi? C'est que l'individu, hein, toutes les œuvres du fils d'Adam, d'accord, lui appartiennent, il peut faire par ces actes-là en voulant ou en espérant une récompense dans cette vie d'ici-bas. Illa siyam fa innahu li. Pas quelqu'un qui va te dire je jeûne, paye-moi. Non, non, parfois tu ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui jeûne. Tu vois? Ça, c'est vraiment entre lui et Allah Azza wa Jal, tu vois, lorsqu'il jeûne. Ça, c'est pour Allah. Tu vois? C'est pour Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est quelque chose de secret, de discret entre le serviteur et le Seigneur. Barakallahu fikum. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Wasiyam junna. Le jeûne est une protection. Fa'idha kana yawm sawm ahadikum fala yarfuth. Donc, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne dise pas de paroles vulgaires. Vous voyez, ok, on a grandi dans les quartiers, on est habitué à dire ça, on est habitué à dire ça, on est, tu vois, même l'argot, éradique-le de ton langage. Même les trucs en argot, éradique-le. Subhanallah. Un musulman, c'est quelqu'un qui est clair, correct. Lorsqu'il parle avec tout le monde le comprend. Tu vois ? Verlan, je sais pas quoi. Éradique ça. Fais en sorte que toi, tu te réformes. Tu es un musulman qui est correct. Les gens, lorsqu'ils t'entendent parler, ils comprennent, ils apprécient. Ils sont, tu vois ? C'est pas un tas, il parle, il regarde, il est solisant, quartier, il est je sais pas quoi. Ça fait bien. Non, Eri. Tu vois ? Donc, lorsque l'un d'entre vous qui ne dise pas de paroles vulgaires, là, c'est un travail, une lutte contre son fort intérieur. Hein ? Jihad al-Nafs, ça. Lutte contre son fort intérieur pour que tu t'efforces à enlever tes mauvaises habitudes de langage. Tu vois ? Pour ne... Parce que tu sais que Inna Allah kana alaykum raqib. Allah vous observe constamment. Tu vois ? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Rien ne lui ressemble et celui qui entend et qui voit l'audient l'omniscient. Donc tu veux pas que tu fais en sorte, t'espères, hein? T'aimerais qu'Allah soit satisfait de toi, oui ou non? Est-ce qu'il y a un musulman qui veut pas qu'Allah soit satisfait de lui? Oh, tout le monde y veut. Tout le monde y souhaite la Jannah, le paradis. Tout le monde y souhaite la miséricorde d'Allah, subhanallah. Cependant, il faut travailler, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour, hein, se corriger, inshallah. Barakallahu fikum. وَلَا يَصْرَبْ وَلَا يَصْرَبْ. Ensuite dans le hadith, qu'il ne crie pas. As-sarbu, les savants disent que c'est le fait de crier et de s'énerver. Crier et s'énerver. On se rappelle, maqasid al-sharia, les buts de la sharia, c'est quoi? Tu le fais pour Allah, azza wa jalla. C'est pas comme au bled. Maintenant en Tunisie, ils te disent, hashish et Ramadan. Ils s'énervent dès le matin. Faut pas que quelqu'un vienne sur son chemin. Oh! Et après l'autre, il va lui dire, vas-y, c'est pas grave, prends pas sur lui, parce qu'il jeûne. Il jeûne, donc il s'autorise à oppresser les gens? C'est quoi ça, subhanallah? C'est le monde à l'envers, là. Il jeûne, il doit se réformer. Il doit patienter. Il va voir un tel, il va, tu vois, il va se comporter bizarrement, il va lui faire un... Il va patienter. Vous voyez pourquoi la patience est... Dans le musta'an. Le sabr. Hein? Ça, c'est encore une parole qui est immense, le sabr. C'est un effort énorme. Ça demande du temps. Ça demande du temps, tu vois. Et force de s'habituer avec le jeûne, parce que tu patientes aussi. Tu essaies aussi même de patienter sur les comportements des gens. C'est pas facile, Eri. C'est pas facile, tu vois. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il va penser? Il va se dire, un tel, foulaine, il va croire que style, je suis quelqu'un de simplé, parce que je ne l'ai pas répondu. Voilà, j'ai pas d'autorité, voilà, je sais pas quoi. Tu vois? Non, c'est pas ça, Akhi. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyaqul khayrun aw liyaskut. Wa fi riwaya falyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise. Tu sais que ça va être mauvais, tais-toi. Tais-toi. Et l'imam al-Dhahabi, dans son livre Al-Ulu, lorsqu'il a réfuté les gens qui disaient qu'Allah était partout, il a dit quoi? Il a dit, il a commencé comme ça, hein, début. Commence, je te jure, tu commences à lire, c'est le début comme ça. Takallam bi'ilm ou usmud bi'ilm. Parle avec savoir ou tais-toi par sagesse. Tu vois? Parce que les gens, ils rentrent dans des sujets, tu vois. Allah al-Musta'an. Donc, on voit, barakallahu fikum, qui ne crie pas, qui ne s'énerve pas. Il a un but à atteindre. Il ne veut pas être corrompu. Un tel, hein, il a une waswasa comme ça, il va essayer de l'énerver. Il se rappelle. Je ne veux pas corrompre ce mois-là. Je ne sais pas si je vais le terminer. Je ne sais pas s'il va être accepté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets les causes de mon côté en espérant qu'Allah Azza wa Jalla accepte mes efforts. Vous voyez? Barakallahu fikum. فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمْ مَرَّتَيْنِ إِنِّي صَائِمْ إِنِّي صَائِمْ. Si une personne lui porte atteinte, soit par sa langue, ou par ses mains, ou bien lorsqu'il veut se battre avec lui, qu'il dise « je jeûne, je jeûne ». Là, il y a aussi une explication des savants. Les savants, ils ont divergé quant au fait de dire « je jeûne, je jeûne ». Est-ce qu'il dit à voix haute ou est-ce qu'il dit à voix basse? D'accord? Vous voyez, subhanallah, l'islam, hein, tout est bien répertorié, tout est bien expliqué. Tu vois, c'est pas un truc, on ne sait pas, hein, les voies du Seigneur sont inconnues, comme certains disent. A'udhu billah. Comment tu peux adorer Allah Azza wa Jalla si tu ne connais pas quelle voie suivre? Tu vois, subhanallah. Donc, les savants, ils ont divergé sur je jeûne, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit à voix haute ou à voix basse? D'accord? L'imam al-Nawawi, rahimahullah, a dit « Hakadha huwa marratayn, wa akhtalafu fi ma'nahu. » فَقِيلْ يَقُولُ بِلِسَانِهِ جَهْرًا. D'accord? Donc, ils ont divergé. Ils ont dit, il le dit à voix haute. Quelqu'un, il vient l'oppresser, voilà, il veut le traiter, voilà, il veut se battre avec lui. Il dit à voix haute, je jeûne, je jeûne. D'accord? جَهْرًا يَسْمَعَهُ الشَّاتِمْ وَالْمُقَاتِلِ فَيَنْزَجِرْ غَالِبًا. Donc, celui en fait qui est en face de toi, qui voudra te frapper ou qui devra t'insulter comme ça, tu dis je jeûne, ce qu'il fait, c'est que lui, ça lui fait un warning, d'accord? Et si bien qu'il va se dire, il va te laisser, d'accord? Il voudra te frapper, mais il va voir que tu es en état de jeûne, donc il va s'écarter. La yaquluhu bilisanihi. Waqil, ça c'est la deuxième partie. Waqil, la yaquluhu bilisanihi, ne le dit pas avec la langue. Bel. يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته. Vous voyez, l'autre, ils disent, l'autre partie des savants, ils disent, il ne le dit pas avec la langue, mais il le dit intérieurement pour éviter de répondre aux insultes, pour se rappeler. Il se dit, au fond de lui, je jeûne, je jeûne. Voilà, pour, tu vois, voilà, attends. Il t'a énervé, il t'a dit des insultes. Tu te dis ça, tu vois, et puis tu t'écartes. Hein? Donc ça c'est la deuxième. وَيَحْرِ الصَّوْمَهُ عَنِ الْمُكَدِّرَاتِ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ كَانَ حَسَنًا. Et il dit quoi? Il dit enfin à la fin. Il dit, et s'il réunit les deux, c'est-à-dire qu'il le dit à voix haute pour que l'autre l'entende, et il se le dit au fond de lui, pour que lui se rappelle qu'il est en état de jeûne, ils ont dit ça c'est bien. Barakallahu fikum. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Ça c'est la suite du hadith. D'accord? Que je lis. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains. La khalufu fami sa'im atyabu 'indallahi yawm al-qiyamah min rih al-misk. Que l'haleine du jeûneur est meilleur auprès d'Allah le jour de la résurrection que l'odeur du misk. La laine, donc l'odeur que sort la laine du jeûneur, ça c'est dû en fait à quoi? Ça c'est dû en fait au corps, ce qu'on appelle les corps cétoniques. D'accord? C'est-à-dire qu'en temps normal, lorsqu'on mange, d'accord, on apporte du glucose à notre corps. D'accord? On apporte du glucose à notre corps. Cependant, lorsqu'on est, par exemple, on va dormir, donc on est en période de jeûne pendant, je ne sais pas, un certain nombre d'heures, on se lève parfois une odeur, vous voyez. Ça, c'est en fait la production, ce qu'on appelle ça, les corps cétoniques, qui eux vont, sont en fait un substitut du glucose. Ça va remplacer le glucose. D'accord, c'est ça qui va être produit et notamment qui est à l'origine de cette odeur barakalofik. D'accord. Certains savants ont déduit de ce hadith, d'accord, Sifat al-Shem, l'attribut de donc de l'odorat, d'accord, d'Allah Azza wa Jal. Cependant, parce que le hadith dit la khalouf fami as-sa'im atyabu 'indallah, donc est meilleur auprès d'Allah. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Wathaymin rahimahullah a dit, il te suffit que les salafs ne se sont pas posés cette question. Donc ça ne sert à rien d'entrer dans ça. Si les pieux prédécesseurs, les sahabes et les tabi'in, ils ne sont pas posés cette question-là, ne rentre pas dedans. Tu vois. Donc ensuite dans le hadith, wa lis-sa'im farhatan yafrahuhuma. Pour le jeûneur, il y a deux joies. Idha aftara fariha bi fitrih. Lorsqu'il coupe son jeûne, il est content de l'avoir coupé. Et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il sera content d'avoir jeûné. Hadith donc dans Bukhari et Muslim. D'accord ? Barakallahu fikum. Il faut que j'aille plus vite parce que je vois que le temps il passe. Et on a parlé beaucoup, inshallah. Je vais mentionner juste ce hadith-là. D'accord ? Donc, selon Sahl ibn Sa'd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le paradis, donc, vous connaissez ce hadith-là, hein, une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs le jour du jugement. La yatrulu minhu ahadun ghayrahum. Personne d'entre eux, à part eux, rentrera. D'accord ? Personne autre que les jeûneurs ne traverseront cette porte. Rapidement, en ce qui concerne la vision, maintenant, quand est-ce qu'il nous est ordonné de commencer de jeûner ? D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de commencer le jeûne à la vue de la lune. D'accord ? Wujub siyam ramadan bi ru'yat al-hilal. D'accord ? Donc les savants ont dit que la détermination de l'entrée du mois de Ramadan, c'est un acte religieux. C'est un acte religieux. D'accord ? Et cet acte religieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le constater avec la vision. D'accord. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a rapporté l'unanimité des savants que les calculs astronomiques qu'on entend de nos jours, d'accord, ne sont pas pris en compte dans les choses religieuses. Parce que c'est un acte religieux, ça, la vision. D'accord. Naam, barakallahu fik. Parce que le hadith, il dit, celui qui l'a vu, qu'il jeûne. Tu le vois pas, tu complètes 30 jours de charbon et tu jeûneras, yani, d'accord, plus tard. Donc, les savants sont catégoriques que l'attestation de l'entrée du mois de Ramadan, c'est à la vision de l'œil humain. D'accord. La divergence, elle est où, en fait? Elle est sur le fait que s'il y a un pays qui l'a vu, est-ce que toute la communauté jeûne ou bien est-ce que chaque pays doit voir? D'accord. Là, la divergence, elle est là. D'accord. Il y a certains savants qui disent que lorsqu'un pays musulman voit et que la vision est reconnue islamiquement, d'accord, alors il est du devoir de l'ensemble des musulmans de la planète de jeûner, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soumou li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ». Notamment aujourd'hui, il y a la Malaisie, le Japon, l'Arabie Saoudite, je ne sais plus quel autre pays, l'Australie. Ils ont tous vu la lune. Ça voudrait dire que demain, c'est Ramadan. Et ça voudrait dire que ce soir, c'est Tarawih. D'accord. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici s'adresse à toute la communauté. D'accord. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Yuqal ayna as-sa'imun. Dans le hadith, il sera dit, où sont les jeûneurs? Fayaqumun, ils se lèveront. La yatrulu minhu ahadun ghayruhum. Donc personne d'entre à part les jeûneurs entreront par cette porte qui est Rayyan barakallahu fik. Fa idha dakhalu, lorsqu'ils entreront au paradis par cette porte, voilà, ughliqat. Donc elle se fermera. D'accord, cette porte sera fermée. Fa lam yatrul minhu ahadun. Personne d'autre ne rentrera. D'accord. Plus personne ne pourra rentrer par cette porte-là. Donc les mois lunaires sont soit 29 jours ou 30 jours. D'accord, 29 jours ou 30 jours. Donc, les mois lunaires sont, vous savez, il y en a combien? Il y en a combien de mois lunaires? 12 barakallahu fik Muharram Safar Rabi' al-awwal Rabi' al-thani d'accord Jumad al-awwal Jumad al-thani d'accord Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Dhul Qa'dah Dhul Hijja combien sont sacrés 4 mois sacrés qui sont Rajab il y en a 3 qui succèdent et un qui est isolé donc Rajab c'est l'isolé Muharram Dhul Qa'dah Dhul Hijja qui sont les 4 mois sacrés. D'accord, barakallahu fik. Donc d'autres savants avaient dit, lorsque certains pays voient la lune, ceux qui sont loin ne leur est pas obligatoire de jeûner, mais ceux à proximité doivent jeûner. D'accord, car la lune n'est pas au même moment dans la planète. J'avais dit. Donc ça sont les deux positions, barakallahu fik. Mais là, lorsqu'on revient au hadith, le prophète sallam a parlé à l'ensemble de la communauté. D'accord, barakallahu fik. Donc, et qui c'est qui le voit ? C'est le témoin juste. C'est quoi un témoin juste ? Est-ce que c'est n'importe qui ? C'est un savant. Pas obligatoirement un savant. Pas obligatoirement un savant. C'est « Man ata bil wajibat » celui qui fait les actes obligatoires. « Wa taraka al kaba'ir » et qui délaisse les grands péchés. « Wa lam yusir ala sara'ir » et qui ne fait pas continuellement des petits péchés. Ça, c'est le témoin juste. Donc si quelqu'un qui est connu comme ayant ces caractéristiques voit la lune et l'informe, tout le monde doit jeûner. Hein? Ce qui diffère là, c'est pour Sha'ban. Ou est-ce qu'il doit y avoir deux témoins pour voir la fin du mois de Sha'ban, barakallahu fik. D'accord ? Donc c'est obligatoire sur qui ? On va aller très rapidement. Les savants sont unanimes. D'accord ? Que le jeûne du mois de Ramadan, ajma'a al-ulama ala annahu yajibu sawm ala al-muslim, premièrement, al-aqil, al-muslim al-aqil, al-baligh, al-sahih al-muqim, wa yajibu an takuna al-mar'a tahira min al-hayd wa al-nifas. D'accord ? Donc les savants sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de jeûner pour tout musulman qui a la raison, qui est pubère, qui est en bonne santé, qui est résident. Et concernant la femme, elle doit être purifiée des menstrues et des lochis. D'accord ? Donc, elle doit être purifiée de ça. Donc, il est interdit de jeûner. Si elle jeûne, elle pêche. D'accord ? Donc, pour tout musulman, la preuve que le kafir, son jeûne, ne sera pas accepté, d'accord ? C'est qu'Allah Azzawajal nous informe que ce qui empêche, en traduction du verset, que ce qui empêche hein, leur don d'être accepté, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah hein, et à son messager et qu'ils ne se rendent à la salette que paresseusement et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. D'accord ? Donc les savants ont dit فَإِذَا كَانَتْ النَّفَقَاتْ لَا تُقْبَلْ مِنْهُمْ لِكُفْرِهِمْ. Ça, c'est le nafaqat hein, qui n'est pas accepté d'eux. Donc, c'est les hypocrites majeurs, parce que l'hypocrite majeur, ça exclut l'islam. Il y a deux types d'hypocrisie, majeur, mineur. Celui qui est hypocrite, l'hypocrisie majeure, c'est celui qui monte l'islam mais cache la mécréance. D'accord ? En double lettre. Donc, les dons qu'ils donnent, ils disent les savants فَإِذَا كَانَتْ النَّفَقَاتْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ لِكُفْرِهِمْ فَالْعِبَادَاتُ الْخَاصَّةُ مِنْ بَابْ أَوْلَى. D'accord ? Le fait qu'ils ont donné des choses aux pauvres ne soit pas accepté. Ne soit pas accepté d'eux. Alors jeûner serait encore, donc les actes d'adoration spécifiques tels que jeûner, serait encore moins accepté d'eux, car faire des dons est général tandis que jeûner est précis. D'accord ? Et sachant qu'il n'est pas musulman, on ne peut pas dire à un non-musulman, vas-y, viens prier pour tester tout cela. D'accord ? Parce qu'il y a une question qu'on doit se poser, hein. Une question qu'on doit se poser. Donc, est-ce que le mécréant, on l'invite à l'islam dans sa totalité ou pas ? C'est ça ? On doit l'inviter à l'islam dans sa totalité. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit. Par exemple, il y en a, ils font cette erreur-là. D'accord ? Par exemple, tu as acheté quelque chose et tu t'es rendu compte qu'il y avait le E120, il y avait des trucs qui étaient haram, d'accord ? Tu vas dire, bon, c'est pas un musulman, je vais lui donner. C'est interdit. C'est interdit de lui donner. Oh, non, mais musulman, d'accord ? Le kafir, c'est interdit de lui. Pourquoi ? Parce que tu ne dois pas l'aider en plus dans la transgression, d'accord ? Dans notre sharia, c'est qu'on doit consommer ce qui est halal. Donc ce qui est haram, tu ne dois pas le donner aux autres. Tu comprends ? Subhanallah. Le kafir, il est interdit de lui donner. Interdit de lui donner. Comme par exemple, j'ai un téléviseur et au lieu de le jeter à la poubelle, je vais le donner à mon voisin. Ah, il a plus la TNT. Tu vois ? Ça, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que tu crois que lui, il va te regarder les chaînes d'Inia et tout ça, là ? Non, il peut regarder le FSED et tout ça, tu vois. Donc, tu vas l'encourager dans les mauvaises actions. Tu comprends ? Donc, c'est pour ça que la chose qui est haram, tu ne peux pas la donner à quelqu'un qui est kafir, qui n'est pas musulman, tu vois. C'est interdit. Tu vois ? Barakallofikum. Donc, en résumé, le mécréant, on ne lui ordonne pas de jeûner tant qu'il est mécréant. Et même s'il jeûne, mais il sera châtié pour ne pas avoir jeûné le jour du jugement. Pour qu'on comprenne bien, pour ne pas avoir jeûné, pourquoi ? Pour ne pas avoir accepté l'islam et jeûné. Donc en plus qu'il le délaisse, parce que c'est un kafir, il sera en plus, son châtiment sera beaucoup plus intense. Oui. Donc, pour tout musulman qui a sa raison, pubère, en bonne santé, qui est résident, qui a sa raison pubère, les enfants, l'âge de 10 ans, ça l'est obligatoire. Ça l'est obligatoire, mais l'état, jeûne obligatoire. Rufi' al-qalam al-thalatha. La plume est levée sur trois types de personnes. L'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, mature, qui peut distinguer le vrai du faux. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se lève. Et celui qui a perdu sa raison jusqu'à ce que la raison lui revienne. Sur ces trois types-là, la plume est levée. Mais ri, barakallahu fikum, celui qui délaisse la prière, Abdallah ibn Shiqiq, al-Tabi'i al-Jalil, qu'est-ce qu'il a dit ? Un grand Tabi'i. Il a dit que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yarauna kufr fi tark al-shay illa salat. Il ne voyait pas le délaissement d'une chose comme étant de la mécréance, excepté la salette. Excepté la salette. Aujourd'hui, on a des gens héritage qui m'ont pour l'okbélika. D'accord, Barclovic ? Les parents, ils sont musulmans, ils sont arabes, et donc, par tradition, on fait le mois de Ramadan. Ah, c'est quand le Ramadan ? C'est quand, je ne sais pas. D'accord ? Hadha ma yusalli, chéri. Donc, si tu accroches... j'accroche un mulet à un poteau là. Je lui donne pas à manger. Ouais, mais ça liche. Et il ne mange pas. Il est comme ça. Combien de temps ? Combien de temps ? 2 minutes. Et il attend. Ça y tac, il va manger. Tu vois ? Après, enfin, il va pouvoir aller voir les copains, mettre de la musique, je sais pas quoi, tu vois ? Subhanallah. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui délaisse délibérément la prière du Asr, toutes ses actions sont invalides. Les ulama ont dit ici, il y a deux explications. Première explication, toutes ses actions sont invalides. Il a délaissé la prière du Asr. C'est-à-dire, sans aucune excuse, il pouvait la prier. Il regardait l'euro 2016, voilà, je sais pas quoi. Et puis, il a dit, attends, à la mi-temps, elle se termine. Tral salat al-maghrib. L'heure du maghrib est rentrée. Mais lui, il avait l'intention de la prier. Il fait ses 5 prières. Il a dit, habita amelo, ils ont dit, ça veut dire que toutes ses actions de cette journée-là sont invalides. Toutes. Il a jeûné, il a prié. Rien n'est accepté. Et l'autre, c'est quoi ? C'est que habita amelo, ça veut dire que s'il n'avait pas l'intention de la prier, ça veut dire que ça lui invalide l'islam. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a été poignardé parce qu'il priait salat al-fajr. Et il a remercié Allah Azza wa Jal que celui qui l'a poignardé n'a pas fait une raka'a avec lui. Parce qu'il avait juste dit Allahu Akbar et lui il l'a poignardé. Et c'était un kafir, un mushrik, un majous, un adorateur du feu qui l'a tué. Tu vois. Voilà, raklofik. Et ce qu'il y a, c'est que lorsqu'il leur a ordonné de le prier, ils sont revenus, il leur a dit, est-ce que vous avez prié ? Ils ont dit oui. Il a dit, la hadza fil islam liman taraka salat. pas de portion en islam. C'est quoi portion? Je donne une part. Pas de portion en islam pour celui qui délaisse la prière. Et Allah Azza wa Jalla dit: فَإِنْ تَابُوا عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent et font la salat et donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. La fraternité n'existe qu'en islam. Qu'en islam. La fraternité n'existe qu'en islam. La condition pour que les polythéistes deviennent nos frères, c'est qu'ils se repentent de leur shirk, qu'ils font leur prière et qu'ils donnent la zakat. D'accord ? Subhanallah. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a mené à saqar ? Qalu lam nakum min al-musallin. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Ma bayna al-'abd wa ash-shirk wal-kufr wal-kufr tarku as-salat. Ce qui est en qui différencie entre le serviteur, le polythéiste, hein, et la mécréance, el kufr, en arabe, le alif et le lem, el kufr. Yani ça, c'est le kufr qui est général. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Sibab el muslim fusuq wa qitaluhu. Regardez, kufr. Il n'a pas dit el kufr. Insulter un musulman est un égarement, une perversité. Le combattre est une mécréance. Kufr. Et pour preuve, Allah Azza wa Jalla nous montre que ça n'exclut pas de l'islam, ça. Il a fait un péché majeur, certes, en tuant un musulman, c'est un péché majeur, mais ça n'annule pas son islam. Tandis que el-kufr, c'est le kufr dans sa totalité. Al-ahd alladhi baynana salat, man taraka faqad kafar. Le pacte qui est entre nous, c'est la prière. Celui qui la délaisse, a mécru. أول ما يسأل عنه بني آدم يوم القيامة الصلاة. La première chose que tu te feras questionner le jour de la résurrection, c'est quoi? C'est la prière. Première chose. Barakallahu fik, salahat, salahat. Sair al-a'mal. Si elle a été bonne, le reste des actions seront bonnes. Accepté. Problème, mushkila. C'est pas grave, il a des examens, laisse-le. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il atteint 18, 20 ans. Il est salé. C'est pas grave. Oh, miskin, oh non, ma t'koul chaka, oh miskin, miskin, miskin. Miskin. C'est un miskin toute sa vie. Voilà. Et c'est en vérité, la parole, c'est une parole de vérité. C'est un miskin. Parce qu'il ne connaît pas la saveur de l'adoration. Subhanallah. Vous voyez le danger, il est où? Barakallahu fikum. Et ça, c'est une responsabilité pour nous tous. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. Oh, vous qui avez cru, hein, protégez, préservez vos âmes, vous-même, préservez vous-même et votre famille du feu de l'enfer. C'est ça, c'est ça. Et moi, je vous conseille de lire, inchallah, lorsque vous rentrez, sourate al-ma'arij. Sourate al-Ma'arij, lorsque vous la lisez avec méditation, d'accord, 70, ça, 70, juste, c'est celle qui précède de Sourate Nuh. Lisez-la et méditez. Subhanallah. Allah musta'an. Donc, ma yujibu ala al-Sheikh al-Kabir wal-Mar al-Ajouz wal-Marid al-Ladhi la yurja bura. Yani le fait que la personne âgée, la vieille dame et celui qui est malade, ou est-ce que yani, il a une maladie incurable, d'accord, baraklofi, qu'est-il obligatoire de faire? Donc, attends, parce que j'ai pris des notes dernièrement. Celui qui n'a pas la possibilité de jeûner pour cause de vieillesse ou autre, il doit alors manger, donc il ne jeûne pas, et nourrir pour chaque jour non jeûné, il doit nourrir un pauvre. Chaque jour non jeûné, il doit nourrir un pauvre, d'accord? La preuve, c'est la parole d'Allah, d'accord? Mais pour ceux, traduction au sens du verset, et je me suis rendu compte qu'ici, il y a une erreur de traduction, Eric, et qu'ils sont en train de circuler dans les Corans, là, d'accord? Mais pour ceux, c'est traduit, qui ne pourraient le supporter. Cette version-là dans les hadiths, elle est faible. D'accord ? Dans Sourate Al-Baqarah, verset 184. C'est, mais pour ceux qui peuvent jeûner qu'avec grande difficulté. Mais eux, ils ont traduit avec une version faible d'un hadith, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter. Non, c'est pas ça. C'est, mais pour ceux qui peuvent jeûner qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. D'accord ? La femme âgée, l'homme âgé, ainsi que la personne qui a une maladie incurable, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils ne jeûnent pas, mais ils donnent à nourrir un pauvre. D'accord ? Al-hubla ou al-murdi'a, c'est-à-dire la femme enceinte et celle qui allait. D'accord ? Lorsqu'elles ne peuvent pas jeûner ou peur pour leurs enfants, il leur est alors autorisé de manger et ils doivent nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et ils n'ont pas à rattraper ce jour-là. Ça, c'est une position des savants. Donc la femme enceinte qui a peur pour son fils et pour elle. Et le, yani, celle qui allait. Dans la clovie. Les femmes enceintes qui font du diabète. Diabète, maladie incurable. Enfin, maladie incurable. Diabète de grossesse. Ah oui, diabète de grossesse. En fait, maintenant, il décèle des femmes enceintes qui font du diabète de grossesse. Non. Dans le temps, c'était pas décelé, donc... Non. Voilà. Et donc, en fait, elles sont obligées de se piquer. Mm-hmm. Elles se piquent avant chaque repas, après chaque repas, etc. Non. Pour contrôler leur taux de glucides, en fait. Si haut, bas, etc. D'accord. Donc ça, c'est temporaire, ça? C'est temporaire. D'accord. Wallahu a'lam. C'est juste avant, en fait, d'avoir le... Justement, il faudra se renseigner là-dessus. Non. C'est juste avant, en fait, d'accoucher. Non. Elles font du diabète de grossesse. Non, non. Donc, elles ont une diététicienne, elles ont une alimentation équilibrée, etc. Non, non. Et puis, elles sont obligées de faire des relevés de glucides, etc. Non. Donc là, elle est dans l'incapacité, là. D'accord ? Wallahu a'lam. Mais c'est ce qu'on on va voir ça dans le détail, Inch'Allah, dans ce qui va suivre. Donc, c'est soit ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rattraper ce jour-là. D'accord ? Donc, mais là, on parle de celui qui est dans l'incapacité, maladie incurable, d'accord ? Tel qu'il y en a qui sont toute leur vie, tu vois, il y en a diabète, ils ne peuvent pas. Et il y en a qui essaient de se forcer. Non, il faut que je jeûne. Mais, subhanallah. Donc, le truc, c'est qu'ils ont le diabète, ils doivent avoir un apport d'eau régulier, tout cela. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils nourrissent un pauvre, d'accord ? Chaque jour. Barakallahu. Certains savants disent que la femme enceinte et la femme qui allait un enfant qui lui est autorisé de manger le jour de Ramadan, mais elle doit rattraper ce jour, car elle est comparable au voyageur, d'accord ? Et à la personne malade. Tu vois, la personne malade, parce qu'elle est malade pendant un certain temps, donc elle, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'elle ne peut pas jeûner, et donc elle mange, mais elle rattrapera ce jour-là. Pareil, exactement. Donc le premier avis, c'était l'avis de Cheikh l'Albani. Mais c'est également l'avis de Abdallah ibn Abbas et Abdallah ibn Omar, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit les savants, et on ne connaît pas en fait de sahaba qui ont opposé leurs paroles. D'accord ? Donc ça s'appelle comment ça ? Ça s'appelle un ijma', soukouti. C'est-à-dire qu'il y a un ijma' par silence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, en fait... parce que s'il y aurait eu, ça n'aurait pas été correct, ils auraient parlé. Comme, Omar ibn Khattab, lorsqu'il a dit « La hadha fil islam li man taraka salat ». Les sahabes, ils étaient présents. Personne n'a réfuté cette parole-là. D'accord ? Voilà, clofique. Donc, il y a aussi également une divergence sur le fait que si la femme mange, car elle a peur pour elle-même, elle doit rattraper. Mais si elle a peur pour son enfant, elle doit rattraper et nourrir un pauvre par jour. Il y a des divergences vis-à-vis de cela, d'accord ? Donc, qadr al-ta'am al-wajib, donc la mesure obligatoire pour nourrir un pauvre, hein, selon Anas ibn Malik, lorsqu'il s'est affaibli et qu'il ne pouvait pas jeûner une année, Anas ibn Malik, il a reçu une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu très vieux, d'accord ? Très très vieux, et il a eu une énorme descendance, centaines d'enfants et petits-enfants. C'est la da'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait invoqué en sa faveur. Donc il avait fait une grande gamelle, où il a mélangé de la viande et du pain, d'accord ? Et a appelé 30 pauvres et il les a, et ils ont mangé jusqu'à être rassasiés, d'accord ? Et ce qui est connu pour un repas, qu'est-ce qu'il donne à un repas ? Donc c'est soit un déjeuner, d'accord ? Ou un dîner. Ou encore, ils disent les ulémas, ou sinon si tu ne donnes pas un repas, soit un déjeuner, soit un dîner, Ils disent un mod. Un mod, c'est ça. De blé, d'accord, ou de froment. Ou bien, neuf sa'a. C'est quoi neuf sa'a? Un sa'a, c'est combien? C'est quatre mods. Donc neuf sa'a, c'est deux mods. D'accord? Donc, soit tu donnes un mod de blé, ou soit tu donnes, d'accord, deux mods de, yani d'autres nourritures à part cela. D'accord? Hein? Voilà, soit tu donnes un plat de déjeuner, ou soit un plat de, yani, hein? Les piliers du Saum, on va terminer vite fait, Inch'Allah, parce que... Et on va terminer avec ce qui est invalide, ça va aller vite, Inch'Allah. Tout à l'heure, parce qu'il est 21h, après j'ai... Pour arriver au Maghreb, Inch'Allah, là-bas, barakallahu. Donc, les piliers du jeûne, il y en a deux. On avait vu niya, l'intention, d'accord. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Innama al-a'mal bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa » فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. D'accord, donc les actes ne valent que par leur intention. D'accord, toi t'as niya. Le deuxième point, donc ah oui, pardon, ici il y a une divergence. Les savants disent, certains disent, il faut que tu fasses la niya que tu vas jeûner tout le mois de Ramadan. Mathalan, tu vois, avant le suhoor, tu fais la niya que tu vas jeûner tout le mois de Ramadan. Ouais, ça, c'est le deuxième. La première, c'est que tu fais la niya pour tout le mois. Et ils disent que si tu ne l'as pas faite, tu dois rattraper un jour. L'autre, c'est que tu l'as fait chaque jour. Chaque jour, tu fais la niya. Donc, naam. C'est comme les savants ils disent, lorsque tu fais tes ablutions pour la salette, c'est une niya pour la salette. Naam, le suhoor, le fait de prendre le suhoor, d'accord. Donc ça, c'est aussi une niya. Mais aussi, c'est bien de s'efforcer à chaque fois de ramener la niya. Pourquoi on ne fait pas les choses par habitude? C'est-à-dire que je me suis levé, voilà, Braclofix, je me suis levé parce que pour manger, après, tu vois, je viens de saluer. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu l'as fait en espérant que ton jour, celui-là, il sera meilleur qu'hier. D'accord? Et le lendemain, il sera meilleur qu'à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais naam, comme tu as dit, barakallahu fik, Sofiane, yani le suhoor, c'est aussi, ça, yani c'est un signe de la niya, barakallahu fik. Qu'en fait, oui, tu te lèves pour jeûner. D'accord? Donc, il y a deux avis. Soit tu le fais pour tout le mois, ou soit, yani, tu le fais hein, tous les jours. D'accord? Wa Allahu a'lam, Wallahu a'lam. Donc, tu le fais hein, à chaque fois, tous les jours, pour renouveler, parce qu'ils ont dit quoi, les ulama? Ils ont dit que yani, chaque jour est différent. Chaque jour est différent. Tu peux avoir jeûné bien, mashallah, et un autre jour, tu vois, tu as commencé à parler sur un tel, et, tu vois. Donc chaque jour est différent. Donc c'est bien de le faire chaque jour, inshallah. Donc, ça c'était pour l'année. Ce qui invalide le jeûne, et on va y aller, inshallah, terminer avec ça. Donc, ce qui invalide le jeûne, le rapport avec sa femme, rapport sexuel, ça invalide le jeûne. D'accord? L'éjaculation, le fait qu'il y a du sperme qui sort. Manger ou boire volontairement. Le fait de manger et de boire volontairement, ça annule le jeûne, d'accord? Donc l'individu, il doit rattraper son jour-là. Tandis que celui qui a un rapport avec sa femme pendant le jour du Ramadan, d'accord? La première chose qu'il doit faire, c'est quoi? Mais c'est plus, ça n'existe plus de nos jours, c'est libérer un esclave. Donc on n'a pas ça. Mais ensuite, c'est quoi? C'est le jeûne de 2 mois consécutifs. D'accord? 2 mois consécutifs. Tawa les ulama, ils disent, si l'individu, il a eu plusieurs fois une relation avec sa femme le même jour, disons, il a eu 2 fois, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 4 mois ou là, il fait 2 mois? Il fait 2 mois, barakallahu. Pourquoi? Parce que c'est le même jour. De toute façon, lorsqu'il a rompu son jeûne en faisant cela, son jeûne, il est rompu, il est parvenu en état de jeûne. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il ne fait que 2 mois, d'accord? Mais si l'individu, tous les jours, il a une relation avec sa femme, tous les jours du mois de Ramadan, il fait 30 fois 2, tu vois? Consécutif, hein? Comme ça. Donc, tu vois? Et ça, yani, c'est concernant le rapport donc, sexuel. Manger ou boire volontairement. Celui qui se vomit volontairement. Voilà, qui se vomit volontairement. Lorsque j'avais parlé de l'éjaculation, celui qui, par exemple, il dort, et puis il y a quelque chose qui est sorti, c'est involontaire. Tout ce qui est fait involontairement, ça n'annule pas. Il continue son jeûne, d'accord? Juste. Ça, c'est ma question, parce que mon père, il a un problème. Naam. Eh bien, le truc, c'est quoi? C'est que lui, ce qu'il fait, c'est que c'est involontairement. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est que... Ouais. Ce qu'il doit faire... Allahu a'lam, ce cas-là, Allahu a'lam. D'accord? Moi, je vais dire pour le cas, l'intarsuïlag, maintenant, qui dort, qui a ces pertes-là. D'accord? C'est involontairement. Oui, c'est involontairement. Hein. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il jeûne, ça n'annule pas, mais il doit faire un rosl. Il doit faire un rosl. Cependant, il continue de jeûner, d'accord? Donc, c'est permis de se rafraîchir pendant le mois de Ramadan. Avec, yani, oui, vous pouvez faire une douche pour vous rafraîchir et tout cela. D'accord? L'istinsherk aussi, lorsque vous mettez, d'accord, le madmada, de l'eau dans le nez et dans la bouche aussi. Cependant, pendant le jeûne, il ne faut pas exagérer. On exagère en dehors de la période de jeûne, mais pendant le jeûne, on n'exagère pas. D'accord? On fait entrer sans exagérer. D'accord? Il faut, bien sûr, enfin, les parfums, yani, c'est autorisé. Contrairement à yani, des traditions, les gens ils croient, non, il ne faut pas que tu mettes de parfum. Ils croient que tu vois, yani, tu dois être sale. Non, c'est pas ça. Tu es propre, tu mets du parfum. Cependant, il ne faut pas que ce soit quelque chose avec vapeur. Par exemple, l'encens, ça rompt le jeûne, l'encens. Oui, yani, tu vois les trucs qui allument comme ça. Comme la cigarette, tout ce qui est avec vapeur. D'accord? Donc là, ça va faire une fumée, tout cela, ça rompt le jeûne. D'accord? Celui qui vomit involontairement, ça ne rompt pas son jeûne. Un autre point, il y en a certains, par exemple, ils font sortir leur salive jusque en dehors de leur bouche, là, au niveau de leurs lèvres, et après ils la ravalent. Hein? Ça rompt le jeûne. Vous voyez? Ils parlent comme ça, ils sont en train de parler, et puis, comme ils sont tout le temps en train de cracher. Parfois, il y en a, ils sortent la salive comme ça, elle est sortie, à partir du moment où elle est sortie de la bouche, et que tu l'as fait re-rentrer, ton jeûne, il est annulé. Tu dois rattraper un jour. Tu vois? Par contre, vous savez qu'il est interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Meftah al-salat al-wudu » La clé de la prière, c'est les ablutions. « Tahrimuha » Ce qui rend tout haram de faire. C'est-à-dire parler, manger, boire, rire, tout ça. D'accord? « Takbirat al-ihram » C'est le fait que tu dises « Allahu Akbar » Ça y est. Tu n'as plus le droit de parler autre que ce qui est légiféré. Voilà de discuter, voilà de manger. Cependant, ils ont dit, si par exemple quelqu'un il a mangé quelque chose et il avait un bout de viande qui était accroché à la dent, là, tu vois, et pendant qu'il prie, il l'enlève comme ça. Alors, on le considère comment ça? Ça, c'est déjà dans la bouche. Donc, c'est pas le fait de manger, c'est le fait de... C'est extérieur de la bouche et tu le rentres à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils ont dit que si tu sors la salive et tu la re-rentres, ton jeûne est invalide. Hein? Donc, manger ou boire volontairement, ça c'est clair, d'accord? Extraire le sang du corps, donc il y a deux avis sur ça. Le hijama, d'accord? C'est qu'il y a un hadith qui montre que aftara al-hajimu wal-mahjoum. Celui qui fait la hijama, vous savez, la hijama, c'est aujourd'hui il y a des machines, ce qu'on met par exemple sur le dos, ça pompe le sang. Ils font des petits comme ça, ça pompe le sang pour que si quelqu'un a un mal de tête ou un mal quoi que ce soit, donc ça enlève le sang, d'accord, et puis donc la personne il est guéri. Celui qui le fait et celui qui le subit, eh bien a rompu son jeûne, d'accord. Donc cependant, barakallahu fikum, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala ihtajama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sa'im. D'accord, ça c'est rapporté, c'est sahih. D'accord, Ibn Dawud, Tirmidhi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama alors qu'il était sa'im. Cependant, les ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les hommes qui sont dans le sened, dans la chaîne de transmission. Vous savez, le hadith est composé d'un sened, d'une chaîne de transmission, et d'un meten, d'un agencement de mots. Chaque agencement de mots et chaîne de transmission, c'est spécifique à un hadith. D'accord? Et bien, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont dit que les hommes qui sont dans Aftara al-Hajim wal-Mahjoum, c'est rapporté par plus de compagnons qu'un autre. Il y a beaucoup de compagnons qui ont rapporté ce hadith-là dans cette chaîne de transmission, comparé à l'autre qui est aussi sahih. Donc c'est pour ça que, notamment, ils disent le fait d'extraire le sang du corps. Donc ça, d'autres diront, voilà, mais c'est par nécessité vraiment si. Comment savoir un. Voilà. Donc là, yani justement, مثلاً, quelqu'un, il a un vaccin à faire. Tant que c'est pas quelque chose qui est de la nourriture, qui va pas مثلاً faire nourrir, d'accord ? Ça ne rompt pas le jeûne. Ça ne rompt pas le jeûne, d'accord ? Par contre, celui qui fait une perfusion, glucose, ça rompt le jeûne, d'accord ? C'est du glucose qui est apporté pour le nourrir, d'accord ? Donc la piqûre, elle est autorisée, ça. Tant que question, le suppositoire, où est-ce que l'individu il a une fièvre, d'accord ? Il utilise un suppositoire. Donc là, est-ce que c'est permis ou pas ? Donc là, les ulama, ils considèrent que pour que tu rompes ton jeûne, il faut que ça rentre dans la bouche et ça va dans l'estomac, d'accord ? Donc tant que c'est le suppositoire, il est fait pour, par exemple, la fièvre ou un individu qui est malade pour la fièvre ou comme ça, ça, inchallah, ça ne rompt pas le jeûne. Donc, le dentifrice qu'on utilise, ça ne rompt pas le jeûne. D'accord ? On peut utiliser la brosse à dents, le dentifrice, ça ne rompt pas le jeûne. D'accord ? Le mieux étant d'utiliser le siwak, mais il faut faire attention de ne pas faire en sorte que le dentifrice soit avalé. D'accord ? Les médicaments administrés par piqûre pour soigner, d'accord ? Ça, c'est autorisé, mais pour nourrir, ça, c'est interdit. D'accord ? On a vu pour le vomissement. La femme qui a le sang des menstrues, tu vois, admettons, il ne reste plus que 2 minutes pour le mohrob et elle a le sang des menstrues. Et elle était en train de jeûner. Donc là, eh bien, ça annule son jeûne et elle doit rattraper un jour. Même à 1 minute avant, d'accord, ce n'est pas rentré, elle a eu ses menstrues, eh bien, elle doit. C'est pas. Ah ben non, il ne restait qu'une minute, c'est pas grave. Non. Yani, c'est à 2 minutes, tu vois ce que veut dire du morlob. Donc, si elle a eu ses sangs, eh bien, ça invalide son jour et elle doit rattraper un jour. D'accord ? On avait vu le jimer, le rapport avec, avec son mari, c'est ça ? Et l'expiation. Donc, il y a un point ici. Vous savez, lorsque l'individu, il a maintenant une relation avec sa femme. Là, il y a deux paroles de savants. Une parole dit que, dans le hadith, lorsque cet homme-là est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste pour le temps, parce que pour vous le lire, il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Je suis anéanti, yani halaktu, tu vois, j'ai une relation avec ma femme. » Alors que c'est pendant le ramadan, tu vois. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Si tu as... » Il s'adressait à lui, il a dit, si tu as un esclave, libère-le. Il a dit qu'il n'avait pas. Alors, si tu peux jeûner 2 mois, fais-le. Tu vois, ainsi de suite. Puis il lui disait à chaque fois, non. Donc là, il disait à chaque fois non et qu'il ne pouvait pas. Jusqu'à ce que, là, les ulama, ils ont dit que là, le prophète Sarsem s'adressait à lui. Donc, c'est à lui de faire le jeûne de 2 mois consécutifs. D'autres disent c'est l'art, c'est-à-dire c'est général. Il s'adressait à lui, mais ça concerne aussi la femme, c'est-à-dire les deux. Ouais. Donc après, selon cette position-là, Allahu a'lam. D'accord ? Barakallahu fikoum. Et pourquoi en fait, il y a des savants, ils ont dit ça concernait que l'homme ? Parce qu'il y a une règle en islam qui est « Ta'khir al-bayan an waqt al-haja la yajouz ». Retarder la clarification dans le temps du besoin d'une chose, d'accord, est interdit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ce thème-là. Sinon, il aurait pu détailler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire lui et sa femme. D'accord. Pour ça qu'il y a des savants qui disent que ça ne concerne l'homme. Et Allah wa'alam, bien sûr. D'accord. Donc, bien sûr, il faut éviter, comme on disait, hein, s'abstenir de dire de choses mauvaises, de faire du mal, être généreux, apprendre le Coran pendant le mois de Ramadan, le lire, essayer de, au moins de le terminer en une seule fois. D'accord ? S'empresser de rompre le jeûne fait partie de la sunna, des gens de la sunna. D'accord ? S'empresser de rompre le jeûne. Parce que vous savez, les chiites, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font le contraire. Ils retardent jusqu'à qu'il y a les étoiles pour rompre le jeûne. Ça fait pas partie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ma communauté sera dans le bien tant qu'elle s'empressera à rompre le jeûne et qu'elle retardera l'heure du suhoor. Barakallahu fik. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est retardé. L'heure du suhoor, jusqu'à ce que les sahabes ont dit qu'il y avait miqdar 50 ou 60 ayah. D'accord ? Environ entre le temps qu'il a terminé de manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté un temps d'une récitation de 50 versets. 50 à 60 versets. Donc, vous voyez, donc c'est peu. C'est pas comme aujourd'hui, on a de nos jours. Pff, oh là là, c'est à quelle heure ? 3h30. Bon, il va attendre le soir tard, minuit, et il va manger à fond, d'accord ? Et après, ce qu'il y a, c'est qu'il est... Non, c'est pas ça, c'est pas correct, ça. Il y a de la baraka, et dans les autres hadiths, c'est juste une question de temps, mais Inch'Allah, peut-être la prochaine fois, je les mentionnerai tous. Inch'Allah. Mais où Allah Azza wa Jal, prie, ça veut dire quoi lorsqu'on dit, tu vois, yusalli, tu vois, ala al-mutasahirin, c'est-à-dire que ceux qui font leur suhoor, eh bien, c'est pas pris. Non, c'est qu'il les mentionne auprès des anges. D'accord ? Allah Azza wa Jal mentionne ceux qui font leur suhoor là, le suhoor qui est un peu avant la salat du fajr. D'accord ? Donc c'est ça. On doit retarder le suhoor, mais sans presser. Mais sans presser, c'est quoi ? Ça veut pas dire que maintenant, oh, attends, quand est-ce qu'il va faire l'adhan ? Il y a personne là. Qui c'est qui va faire l'adhan ? Il doit attendre l'adhan. Non ! Tu as vu le shafaq al-ahmar, tu as vu la lignée rouge dans le ciel, tu manges, tu n'as pas à attendre l'adhan. Ça, c'est une bid'a, ça ne fait pas partie de la sunna. D'accord ? La sunna, tu vois que ça y est, c'est le maghrib, tu manges. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à ce qu'un tel y fait, voilà. D'accord ? Non, tu as vu que c'était rouge dans le ciel, ça y est, c'est le maghrib. Tu manges, tu vois ? Et donc, bien sûr, on rompt le jeûne avec quoi ? La sunna, c'est avec des dattes, d'accord ? Et puis, ou de l'eau. Des dattes ou de l'eau. Barakallahu fikum. D'accord ? Jazakallahu khair. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.